on a bien un petit peu d'éclairci, un ciel tout bleu en Belgique. C'est sur une toute petite partie du Westhoek, vous savez, là, ce côté ouest du littoral. Par exemple, à Bergue, en France, il fait grand ciel bleu, mais chez nous, en toute région quasi, eh bien, c'est bien chargé avec ces nuages qui débarquent d'Allemagne. Ils circulent à partir du nord-est. Ils sont parfois doublés par des brumes, du brouillard, voire encore un peu de bruine par endroits. Ça va redevenir quand même plus sec au fil des heures et ça aura tendance à s'ouvrir cet après-midi, surtout en seconde partie d'après-midi. Quant aux températures stationnaires par rapport à hier, elles afficheront de 11 à 16 degrés. Bienvenue sur Viva, 9h. Le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Des actions syndicales donc pour célébrer le deuxième anniversaire du gouvernement Michel. Pas de grève générale, mais des actions un peu partout à Bruxelles et en Wallonie. On va les détailler dans un instant. Les travailleurs veulent attirer l'attention du gouvernement sur les mesures à venir, comme la flexibilité du travail. Frédéric est serveur dans un grand hôtel bruxellois. Les horaires flexibles, il connaît et il n'en veut pas plus. On arrive à un stade où quand on rentre à la maison, on délaisse sa propre famille. On pense à se reposer. Je crois que là, c'est une alerte. On était déjà en flexibilité depuis pas mal d'années. Maintenant, il veut ce qu'on appelle l'hyper-flexibilité. Stop. Le corps humain, c'est comme un citron. Une fois qu'on le presse, il y a du jus et à la fin, il n'y a plus de jus. Un témoignage recueilli par Sophie Mergen. Concrètement, les bus tech sont perturbés en Wallonie, surtout à Liège, Mons et Charleroi. Dans les aéroports, les bagagistes se croisent les bras. Votre valise risque de ne pas suivre. Donc, si vous partez en voyage aujourd'hui, certaines grandes surfaces ne seront pas approvisionnées non plus aujourd'hui. Piquet de grève aussi devant le siège d'ING à Bruxelles et AXA. La banque a annoncé la suppression de plus de 3000 emplois en début de semaine. Le personnel est en grève aujourd'hui. Les agences sont fermées. Dominique Delal, vous êtes avec eux et ce sont des employés inquiets pour leur avenir. Oui, c'est ce que nous entendons ce matin, la crainte du licenciement, bien entendu, mais aussi celle de conditions salariales revues à la baisse, changement de statut, par exemple, pour des responsables d'agence, ceux du moins qui vont devenir indépendants, perte partielle d'avantages en nature pour des employés des cadres. L'incertitude sur leur sort est partagée par le personnel d'ING et celui d'AXA. Plus d'un millier de personnes est rassemblée ici, sur l'esplanade Marnix. Nous sommes à deux pas de la porte de Namur. Les entrées des bureaux sont ouvertes. Peu de monde passe en réalité. Au minimum, ceux qui souhaitent travailler aujourd'hui écoutent les grévistes. Des grévistes décidés à rester ici une bonne partie de la journée. Merci Dominique. Dominique Delal depuis le siège d'ING à Bruxelles. Bernard Westphal, peut-il commencer son travail de reconstruction ? Oui, après 3 années d'enquête, d'interrogatoire, d'accusation, l'ancien député wallon est ressorti libre de la cour d'assises. La famille Pirotton se dit sous le choc, elle n'a pas souhaité réagir publiquement. L'acquittement, donc, au terme de ce qui était sans doute le dernier grand procès d'assises en Belgique. À l'avenir, la plupart des crimes seront jugés en correctionnel avec des juges professionnels. Pourtant, le procès de Bernard Westphal vient de démontrer l'importance de l'oralité des débats, des contradictions. Un avis que partage Jean-François Juncker, l'ancien président de la cour d'assises de Mons. Les exigences de transparence, les exigences de contradiction, les exigences de débats ouverts, elles sont bien celles de la cour d'assises. Et je crains qu'avec les perspectives managériales qui sont aujourd'hui celles que le ministre de la Justice et même le Parlement veulent voir prendre à la justice et à l'appareil judiciaire en son entier, eh bien, on ne prenne plus le soin de comprendre. Souvenez-vous, il y a 20 ans, c'était la marche blanche. Et moi, j'ai retenu une chose. La population veut comprendre. Quand un événement grave qui a légitimement ému l'opinion publique, eh bien, la population exige de comprendre. Et je dirais que le lieu qui permet cette ouverture, ce débat ouvert, c'est la cour d'assises. L'ancien président de la cour d'appel de Mons, interrogé ce matin par Bertrand Hay. Mathieu se déchaîne sur la Floride. L'ouragan le plus puissant de ces dernières années souffle sur cet état du sud des États-Unis. 2 millions d'habitants ont été évacués par mesure de précaution. Mathieu a déjà fait plus de 300 victimes en Haïti et dévasté des dizaines de villages. Le prix Nobel de la paix sera remis d'ici deux bonnes heures. Beaucoup de noms circulent cette année pour les potentiels lauréats. Les dirigeants qui ont négocié l'accord sur le nucléaire iranien, le lanceur d'alerte Edward Snowden ou encore le docteur Denis Mukwege qui soigne les femmes en République démocratique du Congo. Soyez attentifs ce week-end puisque ce week-end est placé sous le signe de la solidarité, c'est Cap 48. Oui, soirée de clôture dimanche de cette grande opération de solidarité de la RTBF envers les personnes handicapées. D'ici là, vous pouvez acheter les post-it pour nous soutenir ou pourquoi pas soutenir les animateurs qui se sont lancés un défi un peu fou ce week-end. Marcher 100 km. L'argent récolté sera reversé à l'ASBL Héliotrope, un centre thérapeutique de jour qui accueille des handicapés mentaux en situation de crise aiguë. Sébastien Joris s'est rendu sur place ce matin. Il a poussé la porte de l'atelier de peinture. Une grande table au centre de la pièce, des chevalets entreposés au fond et partout au mur, des couleurs. Toutes les couleurs dans tous les sens. Nathalie Delven est la directrice du centre. Alors vous voyez, cette peinture-là, c'est la peinture d'un monsieur dont le symptôme majeur, c'est la chute. C'est donc vraiment un symptôme, une espèce de forme d'automutilation. Dans cet atelier-ci, on essaye de peindre la chute avec lui. Au fur et à mesure du temps, ce monsieur tombe de moins en moins, voire ne tombe presque plus aux héliotropes d'avoir travaillé cette chute d'atelier en atelier. Cette peinture illustre en quelque sorte les principes qui guident la prise en charge. Un symptôme, c'est une production spontanée. Ils ne le font pas exprès, ils sont les premiers à les subir. Et donc on ne se fâche jamais. On ne les punit pas, on ne les sanctionne pas, on ne les isole pas, on ne les contentionne pas. On essaye de travailler par l'observation, l'anticipation et l'apaisement. Il y a 3 ans, Natasha Verstraten emmenait son fils dans ce centre thérapeutique. Plus on le sanctionnait, plus Alexis partait dans des symptômes de violence et d'automutilation. Et quand Alexis est arrivé aux héliotropes, on nous a dit « mais c'est pas de la colère ou des caprices ». Et là, on a commencé, quand Alexis s'énervait, à le calmer, à prendre sa main, à lui parler doucement, à l'apaiser. Et ça a changé nos vies et la sienne. 6 personnes sont accueillies aux héliotropes tous les jours. Le centre a aussi développé une équipe mobile qui se déplace dans les familles ou dans les hôpitaux. Un reportage de Sébastien Joris. Et pour soutenir les animateurs marcheurs de ce week-end, rendez-vous sur le site internet cap48.be. Et puis le chapitre Diable Rouge avec leur deuxième match de qualif ce soir. La Belgique affronte la Bosnie. Il s'agit du premier adversaire sérieux pour les Diables dans cette campagne de qualification pour le Mondial 2018. Et Brice Brouzakis, l'adversaire de ce soir s'annonce pour le moins coriace. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Sébastien, la Bosnie, c'est une solide équipe qui avait affiché d'ailleurs un visage offensif et très séduisant face à l'Estonie lors du premier match de la Bosnie, victoire 5-0. Par ailleurs, ce match est un match particulier pour 2 joueurs bosniens qui évoluent en Belgique. Le gantois Daniel Milicevic, qui a connu sa première convocation face à l'Estonie. Il est ravi de pouvoir rencontrer la Belgique ce soir. Il nous parle de ses débuts avec la Bosnie et de la force offensive de l'équipe. Super bien, j'ai fait 10 jours avec l'équipe. Je connaissais déjà 3-4 joueurs. C'est bien passé. Donc, nous sommes tous des gars assez ouverts. Pas de gros stars dans la tête, sont tous des normaux. Les stars normales dont il est question, c'est bien sûr Dzeko et Pjanic, bien sûr. Et pourquoi pas aussi Tino Svensuzic. Lui, il a 24 ans, il a grandi à Liège, il a joué au Standard, il est désormais à Genk. Ce soir, c'est son match. Ça me tient énormément à cœur et voilà, on sait très bien que la Belgique part favorite du groupe et que ça va être un match très très difficile. Les Diables, en ce moment, ils doutent, ils se cherchent encore. Voilà, c'est ça qui peut nous aider, qui peut nous mener vers la victoire. Une interview de Pascal Chimet, Belgique-Bosnie, coup d'envoi de ce match à 20h45 au Stade Roi Baudouin à Bruxelles. Un match que vous pourrez suivre en direct, en radio sur Vivacité, en télé sur la Une et sur notre site internet Ovio. RTBF Mobile Info, Adrien Demey, un accident ce matin sur la E25. Effectivement, il s'est produit tôt ce matin, mais on vient d'apprendre à l'instant que la chaussée était dégagée. On vient d'apprendre ça il y a quelques secondes. Donc c'est dans le secteur de Lierneux où un accident s'était produit, du mazout s'était répandu. Tout est rentré dans l'ordre. Les voies de circulation sont à nouveau accessibles vers Liège venant de Bastogne. Sur le ring de Bruxelles, vous perdez encore du temps sur certains tronçons. Le plus ralenti est le tronçon entre Grand Bigard et Zaventem. Comptez une 30aine de minutes supplémentaires sur cet axe pour accéder au ring et à Bruxelles. Mitchell. Ça reste dense, tout au plus vous perdez une dizaine de minutes via le 411 venant de Namur où ça ralentit encore entre Overijse et le carrefour Léonard. Sur la partie nord du ring, à proximité du ring, sachez que suite à une action syndicale, l'accès à Brucargo est actuellement difficile, ce qui engendre des perturbations et des files à cet endroit. Donc c'est dans la zone de Zaventem évidemment, et puis au cœur de Bruxelles, une petite ceinture assez chargée, particulièrement dans le sens Kuckelberg vers le midi, ça ralentit également vers le centre via les différents tunnels. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle fin de semaine sur Vivacité, sur la Une en télé, le débat de C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Et c'est notamment une journée de colère pour certains. Voyons votre état d'esprit dès maintenant. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Tous les matins, en direct, sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070 233 466, avez-vous été touché par Bernard Westphal acquitté quand il répète trois fois le mot gâchis, quand il dénonce le parquet de Bruges ou quand il veut serrer le fils de Véronique Pirotton dans ses bras? Non, Bernard Westphal n'a pas tué Véronique Pirotton, acquitté hier malgré l'existence d'éléments troublants dans le dossier. Hier, dans les bras de sa fille, il était en larmes. Quel gâchis, vraiment. Ce parquet de Bruges qui a tout fait pour essayer de convaincre l'opinion publique que j'étais un salaud, un assassin ou un homme capable de poser ce genre de geste. Aujourd'hui, on voit bien que c'est pas vrai. Je vais d'abord envoyer un message à Victor. Lui, plein. Vous allez lui dire quoi? Que je suis proche de lui, que je l'aime plus que jamais. Je le considérais comme mon enfant, véritablement. Et si un jour, il peut admettre que je ne suis pas définitivement l'auteur de cet acte, et je crois qu'aujourd'hui ça a été prouvé, qu'est-ce que ça me ferait plaisir de le retrouver, de le serrer dans mes bras, de lui dire tellement mon amour à Victor. C'est la première question pour vous. Avez-vous été touché par Bernard Westphal acquitté quand il répète trois fois le mot gâchis, quand il dénonce le parquet de Bruges et quand il veut serrer le fils de Véronique Pirotton dans ses bras? Caterpillar menace Gosselies. Si vous ne produisez pas au moins 70% des volumes prévus, on suspend le contrat et c'est fini. Les travailleurs doivent-ils arrêter leur rythme pépère? Depuis mi-septembre, les Carolo auraient dû produire 145 machines. Ils ne l'ont pas fait et visiblement, ça commence à les mettre dans l'embarras. Mercredi, la direction de Caterpillar Belgium a reçu de la société suisse Caterpillar, qui est donc son patron, son donneur d'ordre, a reçu un courrier qui lui demande de reprendre les expéditions et de retrouver un niveau de production de 70%. Si les travailleurs de Gosselies ne s'exécutent pas d'ici lundi, eh bien les Suisses suspendront leurs commandes et l'approvisionnement en pièces détachées. Après l'annonce de la fermeture le 2 septembre dernier, c'est vrai que les travailleurs sont restés d'abord deux semaines dans l'atelier sans assembler les machines. Depuis, le travail a repris, mais les cadences n'y sont pas. C'est la question pour vous ce matin. Caterpillar menace Gosselies. Si vous ne produisez pas au moins 70% des volumes prévus, on suspend le contrat et c'est fini. Les travailleurs doivent-ils arrêter le travail pépère? Et puis au 070-233-466, à 11h, 6000 manifestants du secteur public sont attendus à Wavre, dans la ville du Premier ministre. Vous êtes devant Charles Michel en face à face, vous lui dites quoi? Ce vendredi, ce n'est donc pas la grève générale, comme prévu à l'époque, mais une série de mouvements dans certains secteurs. Le but de la journée pour les syndicats est de s'adresser au patron, mais aussi au gouvernement, avec cette manifestation des agents du service public à Wavre à partir de 11h, dans un moment crucial, puisque d'ici mardi et son discours au Parlement, Charles Michel devra avoir bouché le trou de 4,2 milliards, avec des mesures qui seront sévères d'après certaines sources. Question pour vous. À 11h, on attend 6000 manifestants du secteur public à Wavre, dans la ville du Premier ministre. Vous êtes devant Charles Michel face à face, vous lui dites quoi? Marion Jomotte, standard ouvert. Au standard avec Zoé Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 070 233 466 ou par SMS au 3063 50 cents par message. Ce matin, trois débats, lancez-vous qu'il dit. L'émotion de Bernard Westphal à l'annonce du verdict, la menace de Caterpillar aux travailleurs de Gosselies qui ne travaillent pas assez rapidement et enfin votre message à Charles Michel à la manifestation d'aujourd'hui à Wavre. Le débat commence maintenant. Charlotte Van Bever, journaliste à la dernière heure, et Dimitrios Kagliola, rédacteur en chef de Sud Presse, s'installe en ce moment en studio. Benjamin, c'est à vous. Dimitri et Charlotte, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Benjamin. Bernard Westphal, acquitté, est-ce qu'il vous a touché hier? Et ça concerne autant son attitude que le choix des mots utilisés. Hein, le gâchis, l'attaque au parquet de Bruges, serrer le fils de Véronique Pirotton dans ses bras. On prendra ces éléments à un. Mais d'abord, est-ce qu'il vous a touché, Charlotte? Non, il ne m'a pas du tout touché. J'ai plutôt été extrêmement surprise par le verdict. Mais ça, voilà, chacun a droit à son avis sur le sujet. Mais touché, non, pas du tout, parce qu'on a quand même eu droit depuis plusieurs semaines à quelqu'un qui paraissait être un très bon acteur. Donc les larmes, en fait, en gros, on s'est un petit peu demandé hier si elles étaient feintes ou si elles étaient réelles. Ok, vous n'y avez pas cru, on y revient dans un instant. Est-ce qu'il vous a touché, Demetrio, hier? Oui, j'ai été touché par Bernard Westphal, mais plus par son attitude pendant la lecture du verdict, hein, sur la photo qu'on voit là, que par ce qu'il a dit après. Je trouvais que les mots... voilà, je ne vais pas dire que ça m'a choqué, mais je trouvais que dans un contexte comme celui-là, on n'est pas dans un procès clair, limpide. Je veux dire, ici, il y a quand même une femme qui est morte. On ne sait pas, elle est morte de quoi. Et surtout, il y a un jeune fils qui ne saura jamais de quoi sa maman est morte, qui va se poser des questions toute sa vie. Donc, je me dis peut-être que un peu de... dans le show, peut-être un peu de retenue aurait été... En même temps, je comprends qu'il a envie de clamer ce que lui pense être son innocence et ce que la justice a dit. Chaud et retenu. Alors, je prends les éléments, notamment sur Victor, le fils de Véronique Pirotton. C'est le premier message que Bernard Westphal envoie dans sa reconstruction. C'est « Je veux lui envoyer un message. Je suis proche de lui. Je le considérais comme mon enfant. Qu'est-ce que ça me ferait plaisir de le retrouver, de le serrer dans mes bras, de lui dire mon amour ?» C'était déplacé hier, Charlotte? On n'est pas du tout à la place du petit Victor. Moi, je pense que c'est déplacé. Je ne pense pas que ce soit la première chose à dire. Il a surtout, en plus, rajouté. Moi, ça m'a choqué. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il a rajouté la phrase « Il a besoin de quoi que ce soit, l'achat d'un produit ou autre. » Enfin, c'est hallucinant. Je veux dire, quand on sort d'un procès éprouvant comme celui-ci, comment est-ce qu'on peut... La première chose à laquelle on pense, c'est s'il a besoin d'un petit peu d'argent pour acheter un cartable, enfin un sac à dos, ou peu importe, une paire de pompes, je suis là. Cette volonté de renouer un lien, vous l'avez pris comme tel d'ailleurs, Demetrio, c'est la volonté de renouer un lien avec Victor, ou la volonté à tout prix par médias interposés de lui dire « Je suis innocent ». Comment il fallait interpréter le mot à Victor? Non, je pense qu'il y a... Bon, après, on n'est pas dans la tête de Bernard Westphal, on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette chambre de l'hôtel, mais voilà, si on demande une analyse, moi, je pense qu'il y a une volonté, effectivement, de bien faire chez Bernard Westphal. Je pense qu'il faut quand même aussi se rendre compte et savoir que dans la déposition de Victor, qui a été diffusée lors des assises, il dit plutôt du bien de Bernard Westphal. Hein. Il y avait une relation. Oui, il y avait une relation, et y compris après la mort de sa maman. Donc peut-être qu'ils avaient une relation qui était bonne, et peut-être que Bernard Westphal se sent redevable de quelque chose. Alors je comprends qu'il le fasse. Je sais que ça peut paraître étrange, surtout quand on arrive avec des préoccupations plus matérielles. Mais je dis, on est vraiment... après 3 ans difficiles, après 3 semaines de débats où ça a été hyper tendu, hyper émouvant, et donc on peut comprendre à un moment donné que ça déborde. Charlotte, dans les images d'hier, on voit des larmes, on voit de l'émotion, et puis il y a ce moment où Bernard Westphal élève la voix, c'est quand il pense au parquet de Bruges, et ce parquet de Bruges, dit-il, et on sent bien là qu'un peu de colère, feinte ou pas, peu importe, revient à la surface. Je pense que la colère n'est pas feinte parce qu'effectivement, ça a été démontré, c'est peut-être ça qui a fait qu'aujourd'hui, il est peut-être innocenté, c'est qu'effectivement, le parquet de Bruges a visiblement enquêté à charge. Et je comprends que lui soit en colère contre ça. Je pense que c'est peut-être le seul moment dans son discours, au moment où il sort du tribunal, où il est vraiment sincère, où il sent qu'à un moment, on s'est acharné sur lui dès le départ. Donc dès la découverte de Véronique, tout de suite, on s'est acharné sur lui, il était coupable dès le début. Alors la présomption d'innocence existe dans tous les cas, y compris le sien, aujourd'hui il est innocenté. Il y a toujours le doute existe toujours, mais effectivement, c'est pour ça qu'il va porter plainte. En tout cas, il va se retourner contre le parquet le bureau de Bruges et l'enquête qui a été faite avant. Vous avez senti dans l'intonation, Demetrio, une volonté de vengeance vis-à-vis de la justice et de la justice de Bruges? En tout cas, une colère, certainement. Pas forcément vengeance. Colère n'est pas seulement vengeance. Il faut savoir que Bernard Westphal aura droit à des indemnités. Il peut les demander, en tout cas. Oui, mais enfin, je pense qu'il va les demander. Enfin, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense qu'à sa place, je le ferai. C'est vrai que le parquet de Bruges, il faut se remettre à 31 octobre, je pense, 2013, 1er novembre, c'est la veille du 1er novembre. Il est placé sous mandat d'arrêt avec le chef d'inculpation d'assassinat. Quelques jours plus tard, le parquet revient à la charge et explique que, sur base des avis des experts, ben, c'est toujours la prévention qui est retenue, hein, d'assassinat. Et ce ne sera que quelques mois plus tard que ce sera requalifié en meurtre. D'ici là, on a appris que l'enquête a été cochonnée. Elle a non seulement été faite à charge, en grande partie, mais aussi cochonnée, avec des coupures de presse. J'ai beaucoup de respect pour la presse, évidemment, j'en fais partie, mais enfin, quand même, dans un dossier, des coupures de presse pour étayer une accusation, c'est un peu léger. On demande un avis à Ostende. Jocelyne en ligne, bonjour. Bonjour Benjamin. Quand il répète trois fois le mot gâchis, quand il dénonce le parquet de Bruges, quand il veut serrer le fils de Véronique Pureton dans ses bras, avez-vous été touché par Bernard Westphal acquitté hier? Absolument. Mais Benjamin, je pense qu'il y avait certainement une vengeance du parquet de Bruges parce que c'était pas normal. Deuxièmement, j'ai trouvé cet homme très humain. Il n'a pas parlé de lui offrir un cartable ni tout ça. Vous avez entendu les mots, Jocelyne. Certains y ont vu une part de show. Je reprends quelques mots entendus. Une part de show, acteur. Ce sont des mots qu'on a entendus et qu'on lit aussi par SMS au 3063. Tout le monde n'a pas cru à la sincérité des larmes. Eh bien, moi, je vais vous dire que j'ai bien cru parce que cet homme, c'était un homme très humain, je crois. Et la première chose qu'il voulait, c'est prendre cet enfant dans ses bras qu'il avait de toute façon élevé comme un père. Est-ce qu'il n'y avait pas un décalage? Parce qu'on entend que la famille de Véronique Pureton hier ne réagit pas, qu'elle est sous le choc, c'est ce que dira d'ailleurs le communiqué de l'avocat des parties civiles. La famille Pureton est sous le choc, mais son premier message va au fils. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu se taire hier? Mais je ne sais pas, je ne crois pas. Je pense qu'il avait sur le cœur, qu'il aime cet enfant et qu'il lui a fait beaucoup de bien, il lui a servi de père. Je trouve que cet homme a très bien réagi. Alors je retiens que pour vous, c'était le bon message au bon moment. On verra tout à l'heure, Jocelyne, si la conversation s'impose. Je termine rapidement autour de la table sur le dernier élément. Bernard Westphal a répété trois fois « quel gâchis ». C'est un gâchis pour lui, ça ne nous concerne pas, ou c'est un gâchis pour l'ensemble de la collectivité que nous sommes, Charlotte? Oui, c'est un gâchis pour l'ensemble de la collectivité. C'est un gâchis parce qu'il y a une femme qui est morte, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait rien aujourd'hui parce que l'enquête a été bâclée. Voilà, aujourd'hui, cet homme est innocent, il est peut-être innocent, mais le doute subsiste. Le petit Victor a perdu sa maman. Donc peu importe, en fait, Bernard Westphal, c'est malheureux pour lui, il a perdu de nombreux mois dans sa vie, il a été mis à rude épreuve, mais en fait, finalement, justice n'est quelque part pas faite. Démétrio, même si ce n'est pas la question de ce matin, avec les larmes d'hier et l'acquittement, l'affaire Westphal est définitivement fermée, clôturée, terminée? D'un point de vue judiciaire, certainement. Certainement. D'un point de vue médiatique, moral et politique? D'un point de vue médiatique, je pense que c'est tout le contraire, parce que je pense que Bernard Westphal a évoqué sa volonté de revenir dans la vie politique. Hein, donc je pense qu'il va essayer de rebondir. Mais moi, je voudrais quand même dire deux petites choses très rapidement. Un, il faut penser aux parties civiles, aux familles qui ont quand même perdu quelqu'un et qui n'ont pas de réponse. Oui. Je pense que c'est important. Peu de gens en parlent. Et deux, il faut peut-être que notre gouvernement réfléchisse à sa volonté de limiter très fortement la cour d'assises. On a vu qu'un jury populaire, ça avait ses avantages, ses qualités. Vous avez vu les images hier, les arguments, c'est à vous de vous prononcer maintenant. Avez-vous été touché par Bernard Westphal qui donc hier a été acquitté? Dans un instant, le deuxième débat sur la table. Caterpillar menace Gosselin. Si vous ne produisez pas au moins 70%, c'est fini. Est-ce qu'il faut stopper le rythme pépère à Gosselin? À 11h, vous êtes devant Charles Michel, vous lui dites quoi? Et puis 10h45, la question qui dérange. 29 élus politiques ont été sanctionnés parce qu'ils n'ont pas dévoilé leur patrimoine et la liste de leur mandat comme le veut la loi. Eh bien, question qui dérange, qui sont ces 29 qui n'ont rien révélé et qui n'ont pas répondu? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466 par SMS 3063, 50 centimes par message. Comment bien manger quand... On a très envie de gibier. Ouh là là, le gibier, c'est très difficile à attraper ça. Oui, mais c'est très facile à cuisiner. Le gibier chez Deleuze est 100% sauvage et européen. Une viande d'une traçabilité irréprochable et toujours 100% fraîche puisque jamais congelée. Bref, de vraies saveurs d'automne en provenance directe du bois. Et les prix d'automne? Ils tombent comme les feuilles? Absolument. Jusqu'au 12 octobre, chez Deleuze, le steak de biche est à moins 15%. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Guten Tag, bonjour. Alors, pour l'Oktoberfest, j'ai nier les new cars. Je vous propose 99 sublimes top modèles. 99 fantastiques Mercedes d'occasion récente en solde, prête à défiler pour vous, avec les horaires et en trébuchet. Ya, c'est possible, ya. Colossal solde pour l'Oktoberfest. C'est 7, 8 et 9 octobre au Megastore nier les new cars de Woluwe et d'Anderlecht. Ouverture le vendredi 7 jusqu'à 22h et le dimanche 9 jusqu'à 17h. Nier les new cars. By Mercedes-Benz. Plus d'infos sur nnc.be/solde. Bonjour monsieur, dites, excusez-moi de vous déranger, mais... Voulez-vous acheter mes post-it Cap 48 ? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10 euros au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. La solidarité nous fait tous avancer. CBC, décidez d'avancer. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. C'est la rentrée aussi chez Suzuki. Mais oui, venez découvrir les nouvelles Baleno et S-Cross. Et puis vous essayerez la nouvelle Vitara. Vous pourrez même repartir avec elle dans votre cartable pour 14 799 euros seulement. Soit 4000 euros davantage. Info suzuki.be. C'est la rentrée aussi chez Suzuki. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Deuxième débat sur la table. On commente l'actualité avec vous, avec Charlotte Van Bever, la dernière heure, et Demetrios Cagliola, rédacteur en chef adjoint Sud Presse. Le deuxième débat, Caterpillar, donc la direction, enfin le patron suisse en quelque sorte, puisque l'entreprise suisse chapeau d'entreprise de Gosselin. Caterpillar menace Gosselin. Si vous ne produisez pas au moins 70% des volumes prévus, on suspend le contrat et c'est fini. Vous avez jusqu'à lundi pour retravailler. Charlotte, on sait que c'est le mouvement pris par les travailleurs de Gosselin. Ils travaillent pépère. Donc ils sont croisés les bras deux semaines et puis maintenant ils travaillent à petit trot. Et les Suisses disent stop, ça suffit maintenant. Il faut arrêter de travailler pépère. Bah, je peux comprendre l'état d'esprit de ces ouvriers quand même qui savent qu'ils n'ont plus vraiment d'avenir, donc je comprends que le coût est difficile à encaisser. Il faut s'y remettre, c'est une mentalité aussi, je veux dire, quel est leur avenir, pourquoi devrais-je encore continuer à travailler, passer de longues heures comme ça dans un travail qui n'est pas facile, pour finalement rien. Finalement rien. Alors je fais la question autrement. Mais... Est-ce que le donneur d'ordre, donc le patron, la société suisse, a raison de dire « Vous me devez 145 machines depuis mi-septembre, elles n'ont pas été faites, et au train où ça va, je n'en verrai pas plus. » Est-ce qu'ils ont raison de protester ? Bah, c'est-à-dire qu'on se trouve ici dans classiquement une négociation de fermeture d'une boîte. C'est-à-dire d'un côté des ouvriers dont on peut comprendre qu'ils n'ont plus vraiment le feu sacré. Hein. Voilà. Et de l'autre côté, une multinationale. Vous savez pourquoi ils sont en Suisse ? Bon, simplement parce que c'est fiscalement plus intéressant. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont des états d'âme, ce genre de choses. Ce sont des gens qui ont un business model et une dernière ligne à afficher. Elle doit être la plus haute possible. Et donc, ils se disent ici, peut-être qu'on a trouvé, dans le bras de fer qui va nous opposer lors de la négociation sur le fric, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on a trouvé un moyen de pression. C'est tout simplement ça. Ah, je voudrais votre avis d'ailleurs sur l'organisation de l'entreprise. Donc, ce n'est pas le patron Caterpillar Belgium qui dit non. C'est le donneur d'ordre en Suisse qui dit « Continuez comme ça, je stoppe toutes les commandes au site que vous êtes et je ne vous envoie plus de pièces détachées. Donc, vous serez vraiment dans l'embarras et là, c'est fini, c'est la cata. » Sur la stratégie. Visiblement, en plus, ils ont dépêché des huissiers, je pense même sur place, pour encore un petit peu plus mettre la pression. La stratégie d'une grosse boîte, d'une multinationale, où, comme disait Dimitrio, on ne fait pas d'état d'âme. Donc, on est là pour travailler, point à la ligne. Ces ouvriers le savent aussi, c'est ça aussi, je complète mon raisonnement, c'est que les ouvriers savent dans quelle boîte ils travaillent. Donc, c'est le rendement. Logiquement, alors, ils appliquent la méthode. On leur demande pas du rendement, on leur demande 70% du niveau de production. C'est raisonnable ou c'est la ligne, ça ? Ce qui est raisonnable par rapport à ce qu'on leur a toujours demander. Demetrio, c'est raisonnable de demander 70% du volume de production normalement attendu ou 70% c'est la lune ? Non, je pense que c'est raisonnable, mais moi je pense très modestement, je suis originaire de la région de Charleroi, je connais beaucoup de gens qui travaillent avec Caterpillar, moi je leur donnerais un conseil, c'est d'essayer de tourner la page le plus vite possible. Je sais que c'est facile à dire ici, mais quand même... Mais ça veut dire travailler ça ou oui, ça veut dire travailler. Ça veut dire travailler, terminer ce dossier le plus vite possible, ne pas entraver la négociation sur les indemnités qu'ils vont recevoir et auxquelles ils ont droit. peut-être aussi se battre pour que la région wallonne puisse bénéficier du site, parce que ça, c'est un autre combat important. Donc moi, si j'étais eux, j'essaierais de tourner cette page-là, de ne pas mettre des bâtons dans les roues de la négociation, et surtout de penser à la reconversion, parce qu'il y a beaucoup de gens là qui sont encore très très jeunes. Vous dites quoi, Charlotte ? Travailler pépère ou travailler plein tube ? Travailler plein tube, en tout cas pour arriver à ces 70% de production, je pense que c'est pas plein tube pour eux, puisqu'ils ont été habitués à plus. Puis je me demande aussi si ces gens-là n'ont pas encore un léger espoir de faire changer quelque chose. Je me dis, c'est pas clair dans leur esprit encore. Caterpillar menace Gosselies. Si vous ne produisez pas au moins 70% des volumes prévus, on suspend le contrat et c'est fini. À Wans, Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Est-ce que les travailleurs de Charleroi doivent arrêter leur rythme pépère ? Mais je ne pense pas que c'est la seule arme qu'ils ont pour pouvoir faire reculer la direction en négociation. Mais est-ce que c'est encore une arme ? Parce que si lundi, ils ne fabriquent pas 70% de ce qu'on attend, la Suisse n'envoie plus de pièces détachées. Donc il n'y a même plus moyen de produire. Donc est-ce que c'est encore une arme, le travail pépère ? Si cette direction-là pousse au blackout, moi je ne vois qu'une chose, et c'est dur ce que je vais dire, comme votre invité disait, il faut tourner la page, et qu'on brûle cette entreprise. Jean-Marie, le cadre est le suivant. Il reste simplement 2 jours pour prendre une décision. Lundi matin, ces hommes doivent retravailler plein tube, ces hommes doivent retravailler pour produire 70% de ce qu'on attend, ou ces hommes ne doivent plus travailler. Voilà le seul cadre possible ce matin, la révolution n'étant pas une option. Que ces hommes travaillent à la valeur de notre motivation. Quelle est la motivation de ces gens-là pour pouvoir continuer à travailler quand ils savent qu'ils vont à l'abattoir ? En fonction de leur motivation, je retiens que vous voulez un rythme individuel. Je soumets ça autour de la table. Démétrio, chacun y va avec son rythme. Celui qui veut bosser à 70% le fait, celui qui veut moins le fait. On peut fonctionner dans ce système de compromis ? Malheureusement, je comprends la réaction de Jean-Marie, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Je pense qu'il va y avoir des chefs d'équipe qui disent bah, « Écoutez, on nous demande 70%, c'est tout à fait dans nos cordes, faisons ce dernier effort. » De toute façon, Jean-Marie disait qu'ils vont à l'abattoir. La décision, elle est prise. Et je pense, contrairement à Charlotte, que peu d'entre eux pensent vraiment qu'une marche arrière est possible aujourd'hui. Mais non, voilà, il faut essayer de trouver un rythme qui ne mette pas en péril leur indemnité et qui ne les oblige pas à faire face à des huissiers, à des astreintes. Est-ce qu'il faut féliciter, Charlotte, la direction de Caterpillar ? Donc depuis mi-septembre, 145 machines devaient être fabriquées, elles n'ont pas été fabriquées, et Caterpillar ferme les yeux sur ces 145 machines. Il faut les féliciter de fermer les yeux sur celles-là ? Vous n'allez pas me faire dire que je vais féliciter quand même les patrons de Caterpillar. Ah, ils ferment les yeux, là. Mais ils ferment les yeux parce qu'ils se disent, bon, allez, c'est peut-être comme ça, un petit compromis. Bon, finalement, ils vont quand même fermer comme cette usine. Donc ils disent, bon, c'est pas grave, c'est pas pour... Enfin, pour eux, ça ne représente rien du tout. C'est minime, c'est rien du tout, ça. Donc, ils essayent un petit peu d'un peu ménager les pauvres travailleurs qui sont encore un brin motivés pour arriver à leur fin, finalement, qui est la production de ce qui reste à produire sur le site. C'est l'élégance, ça, Démétrio ? On vous fait cadeau de 145 machines. Tant pis, on ferme les yeux, c'est l'élégance. Je ne parlerai pas d'élégance. Je ne pense pas que ce soit le fort de la direction de Caterpillar depuis longtemps, d'ailleurs. C'est plutôt le pragmatisme, leur truc, et le business, plutôt que l'élégance. Non, je pense qu'ils essaient de trouver un gentleman agreement pour fermer, pour sortir de ce dossier, parce que pour eux, voilà, c'est vrai que c'est un dossier, je ne vais pas dire minuscule, mais ce n'est pas le dossier prioritaire, sans trop de caisses. Donnez-leur un avis, il reste 2 jours. La décision doit intervenir avant lundi. Caterpillar menace Gosselies. Si vous ne produisez pas au moins 70% des volumes prévus, on suspend le contrat et c'est fini. Les travailleurs doivent-ils arrêter leur rythme pépère ? Dans un instant, le troisième débat sur la table. À 11h, on attend 6000 manifestants à Wavre, dans la ville du premier. Vous êtes devant Charles Michel, en face à face, vous lui dites quoi ? Et puis 10h45, la question qui dérange. 29 élus politiques ont été sanctionnés parce qu'ils n'ont pas dévoilé leur patrimoine et pas dévoilé la liste de leur mandat comme le veut la loi. La question qui dérange est toute simple. Qui sont-ils ? Et pourra-t-on leur parler tout à l'heure ? S'ils répondent. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. Ne laissez pas la crispation s'installer dans votre salle de bain. Salut, moi c'est la crispation. Alors cette porte de douche qui coince, moi ça me crispe. Sans parler du robinet qui... Oh, c'est brûlant ! Avec Induscabel, la crispation n'a plus sa place dans votre salle de bain. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, dites adieu à la crispation. Vous me crispez là. Induscabel, avec vous de A à Z. Du 1er au 8 octobre, dans nos 5 showrooms, jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. Vivacité présente le European Open. Le meilleur du tennis mondial, enfin en Belgique, du 15 au 23 octobre, au Lotto Arena d'Anvers. Richard Gasquet, David Ferrer et bien sûr, le Belge David Goffin. Les meilleurs joueurs seront au rendez-vous. Et vous, info et tickets sur europeanopen.be. Et si ce week-end, on prenait un bon petit déjeuner? Oh, bonne idée! Oxfam Magasin du Monde organise plus de 200 petits déjeuners gourmands et équitables. Ah bon, quand ça? Ce week-end, le 8 et 9 octobre. C'est l'occasion de déguster d'excellents produits d'ici et d'ailleurs. Et comment faire pour trouver le petit déjeuner le plus proche de chez moi? Tu vas sur petitdejeuneroxfam.be. Super! À ce week-end! Avec Oxfam, les alternatives existent. Cultivons-les! Mais enfin, pourquoi tu te compliques la vie? Pour les prix, le choix, la livraison express. Commande sur Krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Dis Sophie, mais qu'est-ce qui s'est passé? 9,5 sur 10? Faut te reprendre, hein? Vous êtes très exigeant? Alors les voitures d'occasion BMW Premium Selection vont vous ravir, car elles sont sélectionnées avec soin et en parfait état. En plus, jusqu'au 31 octobre, vous recevez 4 ans de garantie. Plus d'infos sur bmw.be. Vous entendez? La fête continue pour les 25 ans d'Intermarché. Encore 4 semaines de produits gratuits et de super promos. Comme le Gouda jeune à moins 55%, soit seulement 40 cents les 100 grammes. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Chute de cheveux, pas de panique. Commencez vite votre cure d'automne avec le sérum traitant pur essentiel anti-chute. Un complexe breveté aux 7 racines qui renforce l'ancrage de vos cheveux. Résultat, action anti-chute 90%. 8400 nouveaux cheveux et une chevelure plus couvrante. En pharmacie, pur essentiel anti-chute, l'efficacité à l'état pur. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Le troisième débat sur la table et vos appels nous diront ce qu'on fait après 10 heures. Avec Charlotte, la dernière heure, avec Démétrio, Sud Presse et le troisième débat dans cette journée de colère. À 11 heures, 6000 manifestants du secteur public manifestent à Wavre. C'est la ville du Premier ministre. Eh bien, tentons ce dialogue. Vous êtes devant Charles Michel, en face à face. Vous lui dites quoi? Avec dans un coin de la tête un moment important, puisque d'ici mardi, il faut avoir tranché la question du budget, du trou de 4,2 milliards, et on s'attend à quelques mesurettes désagréables dans les heures, dans les jours qui viennent. Vous êtes Démétrio face à face, à Wavre, devant Charles Michel. Vous lui dites quoi? Je lui dis Charles, dans la peau d'un syndicaliste, hein, évidemment. Oui, bien sûr. C'est pas moi qui parle. Non, ou d'un manifestant. D'un manifestant. Je lui dis Charles ne recommet pas les mêmes erreurs. C'est-à-dire quelles erreurs? C'est-à-dire que lors des derniers budgets, on a systématiquement tapé dans la fonction publique et on s'est rendu compte, quand il y a eu, avec les attentats notamment, qu'on avait la sûreté de l'État très très peu de moyens par rapport à ce qui se fait ailleurs, que nos policiers, on n'avait évidemment plus les effectifs policiers pour assurer, ni au niveau des militaires. Donc on s'est rendu compte qu'au niveau des missions régaliennes, on avait tellement pris l'habitude de déconstruire la fonction publique au sens large, finalement c'est devenu facile. Et puis on est allé droit dans le mur quand des situations importantes se sont rendues compte. Mais si j'étais Charles Michel, je leur répondrais, je suis d'accord avec vous, mais je pense que vous devez être capable de moderniser la fonction publique. Ah, vous faites tous les rôles. La voilà, question je fais tous les rôles. Et la réponse. Je vous souffle un élément dans l'oreille, Charlotte, vous êtes libre de le dire ou pas à Charles Michel. Mm-hmm. Monsieur le Premier ministre, mais je vous comprends, on est dans un moment d'austérité, 4,2 milliards, je comprends qu'il va falloir accepter encore quelque chose. Est-ce que c'est ça que vous lui dites? Oui, ce serait exactement ça que je lui dis. Ah, c'est ça? Oui, mais... Ah, vous voulez pas vous le souffler? Non, mais vous ne me le soufflez même pas, mais je nuancerai quand même, mais dépêchez-vous quand même de faire un petit geste quand même vis-à-vis des syndicats, parce que c'est plus possible, on va pas se retrouver toutes les semaines avec des grèves, des petites actions comme ça. Bon, aujourd'hui, c'est pas comparable à ce qu'il y a eu il y a quelques jours. Mais faites un geste pour les syndicats, c'est un mini-geste. Renoncer de 38 heures semaine, renoncer aux pensions à 67, c'est un fameux geste que vous demandez. Il y a toujours moyen d'un petit peu s'arranger sans revenir sur ce qu'on envisage de faire pour améliorer l'économie, pour un petit peu renflouer le budget. Il y a quand même moyen de simplement faire un geste pour simplement dire « Je vous ai entendu, je vois bien que vous êtes en colère, je vois bien que vous descendez dans la rue. » Juste ça. Je vous dis ce qui est sur la table. On parle notamment d'une hausse de TVA, on en reparle souvent, on nous reparle pour ce trou de 4,2 milliards d'un passage de 21 à 22 %. Démétrio, est-ce qu'on peut dire au Premier ministre « Je comprends, on est obligé de passer à 22 %» ou on ne comprend pas? Je pense que les syndicats de la fonction publique ne vont pas parler de la TVA. C'est clair, ce n'est pas leur domaine. Ce n'est pas vraiment leur domaine, même s'ils seront impactés. Hein, parce que si on veut prendre un peu de recul, la TVA, c'est ce qu'il y a de plus injuste. Hein, parce que ça touche tout le monde exactement de la même manière, le cadre supérieur, comme l'ouvrier ou comme le chômeur. Voilà. Donc moi, je pense que Charlotte a raison. Je pense qu'il faut renouer le dialogue. Vous savez, la négociation, c'est la clé de tout. Ah, ils se sont vus hein, hier. Mais les Palestiniens et les Israéliens, Dieu sait s'il y a des gens difficilement plus compatibles que ces deux-là, puisqu'ils se disputent la même terre, se parlent, se sont parlé, bon, pas toujours avec... Ils se sont revus avant-hier, Oui, mais donc voilà, ici... Marc Goblin envoie des SMS au Premier ministre. Je pense que les SMS, c'est chouette, mais s'asseoir autour d'une table et avoir une vraie discussion, et effectivement, on va pas remettre en cause les grandes réformes, mais je pense qu'il y a moyen de trouver des aménagements pour qu'à un moment donné, ce pays fonctionne normalement. Non, mais il y a quelque chose quand même qui me sidère à chaque fois qu'on a un gouvernement, un Premier ministre qui change ou autre, c'est qu'on sait quand même quel Premier ministre on a, on sait quand même de quel parti vient ce Premier ministre, on sait quand même quelle est la direction qu'aura le gouvernement. Moi, je ne comprends pas que des syndicats soient étonnés des mesures que prend un Charles Michel. Je veux dire, Charles Michel est quand même un ministre MR. Il n'est pas PS, il n'est pas... Enfin, c'est quand même hallucinant. On dirait qu'on découvre tout d'un coup que notre Premier ministre vient du parti du MR. Eh bien non, on ne le découvre pas, on le sait. Donc il fallait peut-être réfléchir avant. Ou peut-être un peu... voilà, mais c'est pas aujourd'hui que tout d'un coup, on doit... Et Dieu sait, je suis pas forcément partisane de Charles Michel, mais c'est pas aujourd'hui qu'il est Premier ministre qu'on doit l'enfoncer. On demande un avis à Namur. Alain, bonjour. Oui, bonjour. Et donc imaginons, tout à l'heure, vous êtes face à face devant Charles Michel à Wavre. Vous lui dites quoi ? Eh bien, je lui dis tout simplement que je n'ai plus aucune confiance en lui et en son gouvernement. Trop c'est trop, on va dans le mur. Je pense qu'en bon père de famille, si je devais gérer mon budget comme lui gère le budget ou comme eux gèrent le budget du gouvernement, eh bien, je serais sur la rue, je serais sur la paille. Oui, mais il vous a déjà répondu. Il vous a dit d'abord, on est victime du Brexit, il y a eu un impact Angleterre, ensuite on est victime de toutes nos réformes ambitieuses. Ça devient difficile de calculer, donc c'est pas qu'il y a un couac, c'est que ça devient difficile d'anticiper les recettes, les dépenses, parce qu'on est en plein moment de réforme. Il vous l'a répondu. Oui, mais les excuses sont faites pour s'en servir. Vous savez, Monsieur Michel, bien avant les élections, était bien clair. Je n'irai pas au gouvernement avec la NVA, je ne toucherai pas à l'index, je ne toucherai pas aux pensions, je ne toucherai pas à l'emploi. Qu'est-ce qu'on voit depuis deux ans et demi? Tout l'inverse. Voilà. Vous lui dites, Alain, parce que c'est sur la table, on lit ça dans la presse ce matin, est-ce que vous lui dites, Monsieur Charles Michel, j'accepte qu'on change la méthode de calcul qui mène à l'indexation des salaires? Est-ce que vous acceptez qu'on change la méthode de calcul? Non, pas du tout. Ah, vous acceptez pas? Non, pas du tout. Alors, sensation là autour de la table, je vois, et on verra si on peut être plein tout à l'heure, rapidement, messieurs, dames, est-ce que certains manifestants accepteront quelque chose dans un face-à-face avec Charles Michel, où la population est maintenant dans une logique de refus systématique des réformes, Charlotte? Je pense pas qu'ils accepteront si Charles Michel ne fait pas un pas pour essayer d'un peu plus les comprendre, en tout cas. Est-ce qu'on est démettré dans une logique de refus systématique, où il y a une logique d'acceptation quand même de la population? Oui, moi j'ai plutôt l'impression qu'on est dans une logique d'acceptation. D'ailleurs, les mouvements syndicaux ont perdu de leur force. Hein, les grandes grèves et les grandes manifestations, finalement, ont été annulées ou reportées. Donc voilà, ici, il y a deux événements cruciaux. La confection du budget, sans doute ce week-end ou début de semaine. La déclaration de Charles Michel à la Chambre. Et peut-être que là, on verra plus clair. Demetrios Cagliola, Charlotte Van Bever. Bonne journée tous les deux. Bonne journée. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Avez-vous été touché par Bernard Westphal acquitté quand il répète trois fois le mot gâchis, quand il dénonce le parquet de Bruges ou quand il veut serrer dans ses bras le fils de Véronique Piroton? Caterpillar menace Gosselies. Si vous ne produisez pas au moins 70% des volumes prévus, on suspend le contrat et c'est fini. Les travailleurs doivent-ils arrêter leur rythme pépère? Et puis à 11h, 6000 manifestants du secteur public manifestent à Wavre dans la ville du Premier ministre. Vous êtes devant Charles Michel face à face, vous lui dites quoi? 070 233 466. SMS 3063. Et Liège, Najat en ligne, bonjour. Bonjour. Hier, les larmes de Bernard Westphal, il vous a ému? Non, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout, parce que c'est de la pure manipulation, en tout cas c'est mon avis personnel. Ah, il n'y a pas de manipulation, hier il y a un tribunal qui dit acquitté, et il y a un homme qui est soulagé, qui dit quel gâchis pour moi, pour les parties civiles, pour la famille, pour le petit Victor, pour la cour, pour la société, ben oui. Quel gâchis, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, pas du tout. Moi, je pense que, voilà, comme je vous ai dit, c'est de la pure manipulation. Et tout a été programmé depuis 3 ans. Même les larmes qu'il fait couler, pour moi, c'est vraiment des larmes de joie parce qu'il a quitté. Mais je pense pas une seconde qu'il s'inquiète un peu pour son épouse qui est décédée. Donc voilà, pour moi, c'est d'un... Ah ben, il l'a dit hier, il a dit il y a d'abord un drame, c'est la mort d'une femme, et puis ses premiers mots ont été pour Victor, le fils de Véronique Piroton, je vous refais la phrase, je vais lui envoyer un message. Oui, oui, mais entre ce que lui lui dire que je suis proche de lui, que je l'aime plus que jamais, c'est un message qui devant des caméras est fort quand même. Oui, mais voilà, moi c'est mon avis personnel, il n'y a pas une de ces larmes qu'il a fait couler qui m'a touchée personnellement. Moi j'ai suivi depuis le début son procès, et ça fait 3 ans qu'il a préparé tout. Et donc il redit à chaque fois mot pour mot son discours. Donc pour moi, Najat, est-ce que vous avez senti des mains tendues? Parce que la fille de Bernard Westphal hier, dans ses interviews, c'est la première fois qu'elle parlait, disait clairement « Mes pensées vont d'abord au parti civil », c'est-à-dire à la famille qui certes peut-être qu'elle-même, moi je n'accuse pas du tout Bernard Westphal, mais voilà, en gros... Donc ma question voilà, est, êtes-vous touché? Votre réponse est claire, non. RTBF Mobile Info, maintenant, Adrien Demey. Oui, et sur le ring de Bruxelles, un accident s'est produit en circulation intérieure. C'est entre Vilvoorde et Mechelen. La bande de gauche est neutralisée en direction de Zaventem. Et sur ce tronçon, Grand-Bigard-Zaventem comptait d'ailleurs un retard d'encore une vingtaine de minutes supplémentaires donc sur votre trajet. Notons par ailleurs que dans Bruxelles, ça reste ralenti au niveau de certains tunnels, notamment vers le centre-ville, mais aussi sur la petite ceinture. Notons également cet accident sur la nationale 57 à hauteur de la commune de Lessines, où la chaussée a dû être fermée dans les deux sens, donc vers Lessines et venant de Lessines. Et puis, ces piétons signalés sur le 42 entre Liège et Namur, aperçus à hauteur de Verlaine, circulant donc vers Namur. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant à Morlanway, Calogero, face à face avec Charles Michel, il lui dira quoi? Point d'interrogation. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. En octobre, au bon repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet? Un canapé-lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing. Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Ouvert ce dimanche de 10h30 à 17h30. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 kilomètres gratuits. Direct, direct, direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 kilomètres gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Salut, c'est Romelu Lukaku sur Vivacité, la radio diablement complice. Et pour toi, qui a le meilleur prix? Le meilleur prix? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Cuisine Xina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina? De la musique qui fait rêver? Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Cet automne, Xina vous propose des cuisines 5 étoiles et leur promo 5 étoiles. Ne les manquez pas. Conditions sur Xina.be, c'est bien pensé. Et au 070 233 466 sur la table, Marion, Caterpillar menace Gosselies. Si vous ne produisez pas au moins 70% des volumes prévus, on suspend le contrat, c'est fini. Est-ce que les travailleurs doivent arrêter le rythme pépère à ce propos? Et à ce propos pour Patrick Devossem, oui, les travailleurs doivent arrêter le rythme pépère. Patrick a vécu la même expérience. Il a aussi eu son C4 parce que son usine délocalisait en Chine. Et il devait aussi, avec ses collègues, terminer la production. Alors Patrick le dit, c'est vrai que le cœur n'y était pas. La seule chose qui le remotivait au final, c'était de penser à son salaire qu'il touchait à 100% et pas à 60%, comme quand on est au chômage. Alors c'est le conseil qu'il donne aux travailleurs de Caterpillar de profiter du travail tant qu'ils en ont. À 11h, 6000 manifestants du secteur public attendus dans la ville du Premier ministre à Wavre. Nous sommes en attendant à Morlanwey. Calogero, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes face à face devant Charles Michel. Vous lui dites quoi ? Ben, je serai en face de monsieur le Premier ministre. Je lui dirai, monsieur le ministre, est-ce qu'il y aurait moyen de changer son portefeuille ? C'est-à-dire que lui me donne le sien et moi je lui donne le mien. Mais parce encore ? Parce que dans le mien, il n'y a plus rien. On a assez tiré d'argent. Et je n'ai plus rien pour essayer de faire vivre ce qui me reste de ma famille. Dans le sien, il n'y a plus rien non plus. Il y a 4,2 milliards de trous. Dans le sien, il y a encore beaucoup. Parce que lui, il n'a pas de problème pour aller faire ses courses. Il n'a pas de problème pour aller manger un petit restaurant avec sa femme. Dans son portefeuille, à lui propre, il y a de l'argent. Ce qu'il cherche pour ses 4 milliards, il va toujours les chercher sur les mêmes personnes, c'est-à-dire aux plus démunis. Et tandis que à la population, disons la première classe, là, il leur laisse tout ce qu'ils veulent. Calogero, je vous dis ce qui est sur la table et vous me dites si vous dites à Charles Michel, monsieur le Premier ministre, j'accepte le contrôle du revenu réel des chômeurs. C'est-à-dire qu'en plus de l'allocation, on regardera s'ils ont des revenus par ailleurs et s'ils ont suffisamment de revenus, on supprime l'allocation. Est-ce que vous lui dites, j'accepte ça, monsieur Michel ? Non, je n'accepte pas, monsieur Michel. Je n'accepte pas ça parce que si les chômeurs vont travailler un peu en noir, c'est parce que ils doivent avoir un peu d'argent pour aller faire un peu de course. Ah, c'est même pas le noir qu'analysera le gouvernement, d'après des pistes évoquées notamment dans La Libre. Hein, ce sont les revenus venant notamment des loyers pour les chômeurs qui ont des appartements à disposition. Calogero, au premier, vous dites, changeons notre portefeuille. Chimay nous appelle maintenant. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Donc, Caterpillar Suisse, qui est le patron de Gosselies, envoie une lettre et dit « Mais non, ça suffit. Déjà que 145 machines n'ont pas été produites, soit vous travaillez à 70% des volumes, soit c'est la fin. Est-ce que les gars de Gosselies doivent arrêter le rythme pépère ?» Je dis oui et non. Oui, dans le sens, si on a une garantie noire sur blanc, qu'on partirait avec une indemnité de licenciement, tout simplement. On a assez été cons, désolé du mot, mais jusqu'ici, en 2014, il y a eu une restructuration. On a fait des efforts et tout ce qu'il fallait pour arriver à ce que la direction voulait. Vous êtes un travailleur de Caterpillar ? Oui, ça fait 15 ans, oui. Ah, vous êtes dans ceux qui travaillent pépère ? C'est quoi votre rythme de travail en ce moment ? Ben, pépère, c'est un grand mot. Ben voilà, on a levé le pied, ça c'est sûr. Mais c'est quoi lever le pied ? Vous touchez encore une machine ou plus jamais ? Ben oui, on touche une machine, des pièces, elle sort. Et comme la délégation dit, notre trésor d'or, c'est quoi ? C'est les machines. Et voilà, en contrepartie, s'ils veulent des machines, il faut nous mettre noir sur blanc, qu'on puisse partir avec une indemnité de licenciement. Ben j'entends que votre trésor, ce sont les machines, mais votre donneur d'ordre en Suisse dit, vous deviez en produire 145 depuis mi-septembre, j'ai rien vu. Mais comme je suis magnanime, je ferme les yeux. Oui. Ils ont fermé les yeux, oui. Nous aussi, on ferme un peu les yeux, dans le sens où je vous dis, on nous avait donné, entre guillemets, des garanties, un objectif 2020 en 2014, c'est là où on en est. On est en 2016 et il y a une fermeture complète du site. Voilà le topo, Frédéric. Vous devez trancher donc ça d'ici lundi, puisque c'est l'ultimatum que vous donne le patron suisse. D'ici lundi, vous reprenez la production à au moins 70% des volumes ou vous vous dites non ? Moi, je dis oui, s'il y a une indemnité, s'il y a écrit noir sur blanc, qu'on partira avec une indemnité. C'est un oui, mais sauf que votre donneur d'ordre suisse n'a pas dit « je suis prêt à entendre une réponse négociée ». Il a dit « je veux un oui ou un non ». Frédéric, ce n'est pas à vous que j'apprends que vous êtes dans cette ligne droite d'ici lundi qui doit aboutir sur une décision. On va marquer une nouvelle pause et on verra si cette conversation-là s'impose dans la conversation de la deuxième partie. Dans un instant, à Liège, Dominique, ému ou pas ému par Bernard Westphal ? Qui livre vos vins préférés partout en Belgique ? CoraWine.be ! Oui ! Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple. Bonjour, je voudrais acheter de la lingerie pour ma femme, je sais pas. Ah, mais bien sûr, monsieur, veuillez me suivre. Oui. Quelle est sa taille ? Alors là, Mais je vais vous montrer une de ces photos de profil, peut-être que ça va vous aider. Oui. Regardez-là, on la voit bien en bikini dans le jardin, par exemple. Il est beau, votre jardin. Oui, mais pour ma femme... Orange lance de nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. Comme ça, vous disposez toujours de ce dont vous avez besoin. Vous rapprochez de l'essentiel. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir, car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Profitez maintenant de l'Internet ultra rapide et de la télé digitale à partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Bonjour, j'ai vu que vous faisiez la boxe de SFR à 39 euros par mois. Oui, je peux aussi vous mettre plein de sportifs dans votre boxe, du cycliste, du footballeur, du basketteur. Et tout ça va rentrer? Oui, à part LeBron James avec ses 3 mètres et ses 200 kilos. Toi, je vais te slam dunker ton derrière. Et voilà. SFR met plein d'émotions dans la boxe. Profitez-en pour 39 euros par mois pendant un an avec l'option Eleven Sport offerte pendant un mois. Plus d'infos sur sfr.be. Offre soumise à condition. SFR et tout s'accélère. Votre soin visage, prend-il vraiment soin de votre visage? Jusqu'au 31 octobre, les journées soins visage sont chez Yves Rocher. Venez tester l'efficacité de nos soins visage et profitez d'un diagnostic personnalisé réalisé par une conseillère beauté. Vous allez adorer! Les journées soins visage vous attendent dans tous les magasins Yves Rocher. Ne passez pas à côté. Testez-le vite, Yves Rocher. Quatre. Pommes de Reinette et pommes d'Api, tapis, tapis rouge. Pommes de Reinette et pommes d'Api, tapis, tapis lif. Croquante, juteuse, colorée, sucrée, acidulée, nature ou préparée, venez découvrir le meilleur des pommes lors de la fête de la pomme, le week-end des 8 et 9 octobre à la ferme Nopilif. La ferme Nopilif, cultivons nos différences. Profitez de notre presse, amenez votre récolte de pommes et repartez avec votre jus. Et au 070-233-466 sur la table, Marion, à 11h, 6000 manifestants du secteur public manifestent à Wavre, dans la ville du Premier ministre. Vous êtes devant Charles Michel, en face à face. Vous lui dites quoi, à ce propos? Et à ce propos, Thierry Demblève lui dirait bon courage à Charles Michel. Il le plaint d'avoir pris cette place de Premier ministre. C'est un cadeau empoisonné. Thierry le féliciterait aussi pour les efforts qu'il fait pour essayer de remettre ce pays sur les rails après des décennies de mauvaise gestion. Thierry lui donnerait également une petite tape sur l'épaule et lui dirait ceci: tiens bon, tu vas finir par y arriver. C'est vous qui le dites à Liège ce matin. Dominique, bonjour. Bonjour Benjamin. Avez-vous été touché par Bernard Westphal acquitté? Tout à fait, tout à fait. On voit que, enfin, on a vu qu'il s'agissait d'un homme qui en a bavé pendant 3 ans, qui a été discrédité, que ce soit par les médias ou autres. Et là, enfin, il obtient gain de cause. Enfin, je dirais pas gain de cause parce qu'il y a quand même le décès d'une personne. Vous pouvez décoder, Dominique, quand il répète quel gâchis, quel gâchis, quel gâchis. Il le dit 3 fois. Là, vous sentez un homme qui est à terre ou un homme qui a envie maintenant de combattre et de se relever? Je pense que il est à terre, mais comme il le disait, sans sa famille, sans ses amis, il serait mort. Donc maintenant, quand il dit « je vais me reconstruire », bon, je lui souhaite, mais je crois qu'il est fichu pour toujours. Est-ce que vous pensez qu'il pourra se reconstruire, notamment dans la politique? Puisque ça et là, on lit ce matin qu'il a déjà émis le désir de peut-être y revenir. Est-ce qu'il y a une place pour lui? Non. Non, non, non, non. Je pense que ce qu'il va faire, c'est au moins déjà retrouver un sens à sa vie et essayer de vivre heureux. Ça, oui. Mais se mettre en politique, non. Il a dit hier qu'il visait quelque chose demain dans une démarche d'amour. Vous avez entendu sa priorité hier? Sa priorité, c'était d'envoyer un message à Victor. C'était pas se reconstruire, porter plainte contre le parquet de Bruges. C'est envoyer un message à Victor. Ça vous a fait quoi d'entendre ça? Ça m'a touchée. Parce que c'est vrai que vous allez avoir peut-être beaucoup d'auditeurs qui vont vous dire que c'est écœurant, qu'il n'aurait pas dû, s'exprimer de cette manière. Mais je pense, à travers les audiences et tout ce qui a été dit, qu'entre Victor et M. Westphal, il y avait un vrai lien d'amitié. Ah ben il a dit « je suis proche de lui, je l'aime plus que jamais ». Dominique, vous avez été touché. Anu, Patrick, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Donnez un avis. Caterpillar menace Gosselies. Si vous produisez pas au moins 70% des volumes prévus, c'est fini. Est-ce que vous dites au gars de Gosselies d'arrêter de travailler pépère maintenant? Bah, de toute façon, ça ne changera rien qu'il travaille pépère ou pas. C'est fini. S'il travaille pépère, le donneur d'ordre suisse suspend toutes les commandes, n'envoie plus de pièces détachées. Et donc, de facto, c'est fini, là. Bah, écoutez, Benjamin, moi, j'ai vécu la même situation il y a quelques années. L'usine allait délocaliser en Chine. On nous demandait de faire notre production, mais le cœur n'y était pas. On n'avait plus envie. La seule chose qui nous motivait, c'est de dire, ben voilà, on est là, pendant qu'on est là, on a nos primes d'équipe, on a notre salaire plein, plutôt qu'au chômage. Mais la qualité n'y était plus, parce que les contrôles, on va dire qu'on les ait. On n'avait plus envie. À partir du moment... Mais le patron, qu'est-ce qu'il fait avec sa plus envie? Parce qu'il dit déjà, moi j'attendais 145 machines. Schnoll, Nada, Nix, j'ai rien vu. Mais ça, c'est sa faute. On n'a pas demandé d'être licencié quand même. Donc il continue pépère? Ben, ça c'est un... C'est oui ou c'est non? Ils doivent trancher pour lundi. C'est oui ou c'est non? Nous on a continué pépère, malgré les menaces. Donc vous dites pépère. Le choix doit être fait pour lundi, c'est ce qu'a dit le donneur d'ordre suisse. Patrick, si la conversation s'impose, on se rappelle après 10h. C'est 6, 7 et 8 octobre, tu sais où je suis? Oui, au Westland Shopping. Oui! Et pourquoi? Pour la braderie d'automne, évidemment. Dis, tu lis dans mes pensées ou quoi? Non, mais j'ai Facebook et je peux même te préciser qu'il y a plein de bonnes affaires à faire pour renouveler, par exemple, ta garde-robe. Continue. Et pour les enfants, atelier cire, grimeuse, jazz band, artiste de rue. Dis donc, tu serais pas en train de me dire que tu m'invites les 6, 7 et 8 octobre au Westland Shopping? Ben mieux, je t'y emmène. Allez, viens. Info, westlandshopping.be, Ring West sortie 14, parking facile. Comment bien manger quand... On a très envie de gibier. Ouh là là, le gibier, c'est très difficile à attraper, ça. Oui, mais c'est très facile à cuisiner. Le gibier chez Deleuze est 100% sauvage et européen. Une viande d'une traçabilité irréprochable et toujours 100% fraîche, puisque jamais congelée. Bref, de vraies saveurs d'automne en provenance directe du bois. Et les prix d'automne? Ils tombent comme les feuilles? Absolument. Jusqu'au 12 octobre, chez Deleuze, le steak de biche est à moins 15%. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en Véranda. Maintenant, ce sont les jours fous chez MediaMarkt. Ils deviennent complètement dingues. Achetez un PC portable et vous pourriez avoir la chance de faire partie des 300 gagnants à être intégralement remboursé. C'est totalement dément. Conditions dans nos magasins et sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou. C'est Viva ici, 10h. Le Flash, Nathalie Servet, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. 4 à 6 000 agents du service public dans les rues de Wavre ce matin. Il s'agit d'un rassemblement pour protester contre le gouvernement de Charles Michel. Wavre étant la ville du Premier ministre. Le rassemblement est prévu dans une heure. Les syndicats mènent également des actions dans d'autres secteurs, notamment dans les transports en commun. De nombreux chauffeurs de bus n'ont en effet pas pris leur service ce matin. Les perturbations les plus importantes sont enregistrées à Mons, Charleroi, La Louvière et Liège. À Bruxelles, il y a un peu moins de trams, bus et métro que d'habitude. Dans les aéroports, certains bagagistes sont également en grève, mais les perturbations pour le moment sont limitées. Autres secteurs touchés, l'alimentaire, le gardiennage ou encore la métallurgie. Autre action de protestation également ce matin, c'est celle du personnel d'ING. Les travailleurs se sont rassemblés devant le siège de la banque à Bruxelles. Il s'agit d'une action de protestation après l'annonce lundi du plan de restructuration. Un plan qui prévoit, je vous le rappelle, la suppression de plus de 3000 emplois. Des agences ING sont également fermées ce vendredi. Ce très grave accident de la route ce matin à Lessines, à proximité de l'usine Baxter, c'est en Wallonie-Picarde. Deux voitures se sont percutées. La conductrice de l'un des deux véhicules ainsi que deux des enfants qui se trouvaient à bord sont décédés. Un troisième enfant a été hospitalisé. Les vols à main armée dans les pharmacies ont doublé au cours des 6 premiers mois de cette année. 86 pharmacies pharmacies ont été braquées, ce qui représente plus du double qu'au cours de la même période en 2015. C'est ce qui ressort des chiffres publiés aujourd'hui par le syndicat neutre pour indépendants, le SNI, qui estime que les voleurs sont surtout à la recherche d'argent liquide et dans une moindre mesure de médicaments. Le SNI qui dit qu'il faut encourager les paiements électroniques. À l'étranger, l'ouragan Matthew s'affaiblit mais reste extrêmement dangereux. Des pluies torrentielles et ces bourrasques d'une centaine de kilomètres heure s'abattent en ce moment sur les côtes est de la Floride. 2 millions de personnes ont été évacuées. Juste avant, en Haïti, Matthew a fait au moins 300 morts. C'est dans une heure que l'on saura qui est le prix Nobel de la paix. Parmi les personnalités qui pourraient recevoir ce prix prestigieux, citons les dirigeants qui ont négocié l'accord sur le nucléaire iranien, le lanceur d'alerte Edward Snowden ou encore le docteur Denis Mukwege qui soigne les femmes en République démocratique du Congo. Tout ce qui compte pour moi, c'est de voir les supporters heureux. La phrase est de Roberto Martinez, le coach des Diables Rouges. Ce soir, l'équipe belge affronte la Bosnie-Herzégovine au stade Roi Baudouin. Il s'agit du deuxième match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. Et il ne devrait pas pleuvoir ce soir pour le match des Diables. Le temps ce vendredi sera nuageux mais sec, sauf peut-être l'une ou l'autre bruine, mais uniquement dans l'est du pays. Les maxima seront compris entre 11 et 16 degrés. Ce week-end, même type de temps avec une alternance d'éclaircies et du nuage, maxima jusqu'à 15 degrés. On voit comment ça roule ce matin avec Adrien Demey. Eh bien, tendance à la baisse sur nos routes, moins de soucis. Notons quand même ce camion en panne sur le 40 Liège-Bruxelles à hauteur d'Asrode. C'est la bande droite qui est neutralisée à hauteur du kilomètre 24. C'est en direction de Bruxelles. Sur le ring de la capitale, c'est normalisé sur une bonne partie de ce ring. Ça reste par contre ralenti sur le tronçon Grand Bigard-Zaventem. Comptez sur cet axe encore une vingtaine de minutes de retard. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Tout de suite, Benjamin Maréchal, la deuxième partie de C'est vous qui le dites. Juste avant le week-end, dans une journée donc de colère et de protestation. Deuxième partie. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. À 10h45, le rendez-vous avec la question qui dérange, que voici. 29 élus politiques ont été sanctionnés parce qu'ils n'ont pas dévoilé leur patrimoine et leur mandat comme le veut la loi. Eh bien, la question qui dérange, c'est qui sont-ils? Qui sont ces 29? Entre 2013 et 2014, la Cour des comptes a donc sanctionné 29 personnes. Leur amende aussi entre 600 euros et 6 000 euros. C'est une information qui a été donnée par le ministre de la Justice au Parlement dans une réponse donnée au parlementaire PTB Raoul Edebeau. Sur le principe, les élus doivent remettre leurs documents dans une enveloppe scellée à la Cour des comptes. Si souci supposé, eh bien un juge d'instruction peut être saisi. Et voilà encore des statistiques. Entre 2010 et 2014, la justice a examiné 91 affaires. 60 ont été classés sans suite, mais il y a tous les autres. Donc, qui sont ces élus qui ne remettent pas les documents, contrairement à ce que veut la loi de ce pays? Mélanie Joris, vous cherchez dans ce dossier le bon interlocuteur. Avez-vous une piste? Oui, eh bien, on pourra tenter d'aller voir du côté de la Cour des comptes, hein, qui doit recevoir les déclarations de patrimoine de tous nos élus. On pourra aussi poser la question à un des 29 élus mis en cause. La liste est disponible sur le site du Moniteur belge. Bon, vous nous direz tout à l'heure si on peut parler à un de ces 29. En attendant, vous avez un avis sur l'intérêt de déclarer ses revenus, l'intérêt de livrer son patrimoine, l'intérêt de ne pas le livrer, parce que certains ne l'ont pas fait. Laissez un éclairage, un Marion standard. Et le problème pour Jonathan de Tourine-Saint-Lambert, c'est le montant de l'amende. Entre 600 et 6 000 euros d'amende pour un élu, et ben ce n'est rien du tout, c'est trop facile pour eux de le payer. C'est sûrement pour ça qu'ils préfèrent ne pas révéler leur patrimoine. S'ils se font prendre, ils déboursent l'amende. Et puis c'est tout, ce n'est pas suffisant, me dit Jonathan. Les élus devraient carrément être démis de leur fonction quand ils ne déclarent pas tout. 29 élus politiques ont été sanctionnés parce qu'ils n'ont pas dévoilé leur patrimoine et la liste de leur mandat comme le veut la loi. Qui sont-ils? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. Avez-vous été touché par Bernard Westphal acquitté quand il répète 3 fois le mot gâchis, quand il dénonce le parquet de Bruges ou quand il veut serrer le fils de Véronique Pirotteau dans ses bras? Caterpillar menace Gosselin. Si vous ne produisez pas au moins 70% des volumes prévus, on suspend le contrat et c'est fini. Les travailleurs de Gosselin doivent-ils arrêter leur rythme pépère?

Dites, cette baignoire, on la changerait pas? Ou changeons plutôt la douche, à moins qu'on remplace tout? Oh, je doute. Avec Induscabel, le doute n'a plus sa place dans votre salle de bain. C'est charmant, merci. Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, plus de doute? Oui, bon, ça va. Induscabel, avec vous de A à Z. Du 1er au 8 octobre, dans nos 5 showrooms, jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070 233 466. La question tient en une phrase. Avez-vous été touché hier par les mots de Bernard Westphal, par les intentions de Bernard Westphal, par les larmes de Bernard Westphal? 070 233 466 par SMS au 3063. Acquitté. Fléron, Françoise, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Il vous a touché hier? Ah oui, c'est un homme qui m'a énormément touché. Qu'est-ce qui était touchant hier dans son attitude, puisque ça fait l'objet d'interprétations diverses ce matin? Pour moi, cet homme a vécu un calvaire en plus du drame qu'il a vécu. Le calvaire où, pour moi, ça a été qu'il a été directement jugé coupable déjà par... par l'instruction. Vous avez entendu ce moment où il dit « et ce parquet de Bruges qui a tout fait » et puis il répète « a tout fait » en le criant beaucoup plus fort. C'est un cri de colère, c'est un cri de rage. Pourquoi il a élevé la voix dans cette phrase-là? Parce que justement, il s'est senti injuste. Il s'est senti injustement accusé. On n'a pas écouté ce qu'il disait en voulant se défendre. Non, l'instruction a été faite à charge, mais pas à décharge. Et vous, les médias, vous avez fait pareil en relatant les histoires à charge, mais jamais avec une décharge. Françoise, je prends la lecture, mais vous savez que dans la presse, il y a eu des couvertures et des lignes éditoriales diverses et variées. Le gâchis, il est pour qui? Il n'est que pour Bernard Westphal, puisqu'il l'a répété trois fois, ou il est pour d'autres? Non, le gâchis, il est pour tout le monde. Le gâchis est pour tout le monde. Le gâchis est pour Bernard Westphal, le gâchis est pour cette pauvre Véronique Piroton, surtout pour son fils et la famille, mais je crois que ça a été, une horreur dans les deux familles, dans les deux... Est-ce qu'il fallait le faire? Hier, la fille de Bernard Westphal, qui parle pour la première fois, a comme premier mot « j'ai une pensée pour les parties civiles », donc pour la famille c'est notamment. C'est magnifique. C'était magnifique, ça. C'est magnifique. Attendez... Qui peut sortir d'un tribunal en sachant que son père est libéré, au lieu d'avoir d'abord des mots de joie pour lui, elle dit non, je pense à la famille. Et donc quand Bernard Westphal dit, moi ma première priorité c'est de d'abord, il dit d'abord, hein, d'abord envoyer un message à Victor, ça aussi c'était magnifique alors. Ah pour moi oui, parce que c'est un homme, il avait de très bonnes relations avec son beau-fils. Je suppose que celui-ci lui a manqué également. Ça c'est une supposition, parce que visiblement on comprend hier dans la phrase qu'il n'y a pas de contact, puisqu'il dit « j'espère lui envoyer un message, je voudrais lui dire que je suis proche de lui, que je l'aime plus que jamais ». Ça sous-entend qu'il y a un contact qui a été interrompu. Depuis Fléron, Françoise, allons maintenant à Jean Blou, nous attend Souade, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous avez pleuré hier en regardant Bernard Westphal? Oui. Pleuré de quoi? Vraiment, c'est choquant. Pleurer de rage ou pleurer de joie? Mais le problème, moi, je ne sais pas la vérité où, mais j'ai pleuré pour cette personne, même pas qu'il est coupable, il a gâché 3 ans de sa vie. C'est tout. Il est coupable, il n'est pas coupable. On ne sait pas la vérité, mais je vois qu'elle est heureuse et qu'elle apprend sa fille dans ses bras. Souad, vous l'avez senti soulagé hier? Vous l'avez senti serein ou c'était pas ça qu'il dégageait? Mais oui, je me sentais soulagée, oui. Pourquoi il a comme premier mot la volonté d'aller vers Victor? Est-ce qu'il fallait faire ça ou dans un moment comme hier, où la famille de Véronique Piroton est choquée, il fallait laisser Victor en dehors des caméras et ne pas dire allait l'aborder? Elle a dit ça parce qu'elle a envie de ça. C'est pas parce, tu sais, c'est pas obligé de dire ça. S'il veut pas, il veut pas. Mais elle a senti que le besoin de cet garçon, parce que moi, je sais pas cet garçon, est-ce que c'est un. C'est que. quel âge? Parce que je ne sais pas, alors ça... Ah, c'est devenu un adolescent aujourd'hui, hein. Il était plus jeune au moment des faits. Phrase de Bernard Westphal, j'aurais votre avis, Souad. Je le considérais comme mon enfant, et si un jour il peut admettre que je ne suis pas définitivement l'auteur de cet acte, si un jour... Ça veut dire que ça va être difficile à digérer, ça, pour Victor, d'admettre que l'homme n'a pas tué. Mais oui, mais parce que autour de lui, il y a des gens qui le disent que c'est coupable. On ne sait pas la vérité. Peut-être cet garçon qui maintenant il est adulte, peut-être elle va penser, il va voir les choses à notre façon. Qu'est-ce qui s'est passé en Bernard Westphal? C'est votre analyse sans le connaître, bien sûr, mais on lui a souvent reproché pendant le procès de ne pas pleurer, de ne pas avoir l'émotion, la larme évidente. Et hier, on a vu des larmes. Pourquoi pas pendant le procès et pourquoi hier? Parce qu'avec lui, il était, ça compte comme ça et ça compte comme ça. Elle ne sait pas, est-ce qu'il sera coupable ou il ne sera pas coupable. Alors elle pose des questions, tu sais, si quelqu'un il passe à cette période, on est toujours, on attend quoi? On ne sait pas, mais qu'elle n'était pas coupable, c'est la joie pour lui. Maintenant, on sait, c'est la justice qui a tranché. Il faut respecter la décision du jury. 070-233-466 par SMS au 3063. Nous sommes à Braine-le-Château maintenant. Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le premier homme de cette deuxième partie. Voyons si ça a une influence. Vous étiez touché hier devant la télé? Absolument pas. Absolument pas. Un homme qui pleure, un homme qui échappe à 30 ans de prison, ne vous touche pas? Non, parce que à mes yeux, il est coupable. Et le gros problème, je fais partie du corps paramédical, le gros problème, et tout vient de là, c'est la discorde entre les médecins légistes. Pierre, on ne peut pas. L'avocat de la famille de Véronique Pirotton a dit « Je ne commande pas une décision judiciaire parce que nous devons l'accepter ». Hier, Pierre, on ne peut pas refaire le procès, il n'y a pas d'appel. Je ne refais pas le procès, acquitté. Je dis pourquoi je suis écumé. D'accord, elle est acquittée, il y a présomption d'innocence, mais toute cette présomption d'innocence revient uniquement sur le fait que les médecins légistes ne sont pas d'accord. Et là, je ne peux pas comprendre comment des médecins qui ont fait les mêmes études devant, je m'excuse, l'autopsie du même cadavre peut avoir des divergences comme ça. Ils ont quand même fait un serment d'Hippocrate, à moins qu'un des corps médicaux ait fait un serment d'Hippocrate. Quel est l'enjeu? Certains avaient des thèses, certains avaient des explications plus précises. Attendez. Et quand on leur demande si l'intoxication alcoolo-médicamenteuse est possible, tous par honnêteté intellectuelle ont dû dire oui. C'est une chance infime. Vraiment, oui. A-t-elle vraiment la glotte enfoncée? A-t-elle vraiment été étranglée? Pierre, sans les éléments. Si on pose cette question-là, et combien et qu'on même dit oui, a-t-elle eu un sac sur la tête? Parce que se suicider avec un sac sur la tête, je ne suis pas d'accord. Bon, Pierre, non seulement on n'a pas le fond du dossier, et en plus, c'est le verdict des cours d'assises. Il n'y a pas d'appel. On ne peut pas revoir le fond du dossier. Je ne veux pas refaire le fond du dossier. Je dis simplement que je comprends la décision des jurés parce qu'il reste une petite présomption d'innocence. Ce n'est pas un assassin parce qu'il n'a pas programmé la mort de Mme Pirotton. C'est seulement des gens qui se sont probablement coltinés après avoir beaucoup trop bu. Pourquoi vous n'entendez pas son message? Ce parquet de Bruges qui a tout fait, dit-il en levant la voix, pour convaincre l'opinion publique que j'étais un salaud. Si ça avait été clair et net, le parquet de Bruges n'aurait pas investigué. S'ils avaient directement conclu, mais il y a tellement de choses qui brouillent, le fait d'avoir traîné le corps, le sac plastique et tout ça, que le parquet de Bruges s'est mis à chercher, et à juste titre. Ah bah attendez, chercher c'est une chose, mais que dit Bernard Westphal hier, une partie de sa défense, c'est qu'il y a eu une instruction à charge. J'entends vos doutes sur l'issue du procès, mais une fois encore, il faut faire avec ce qu'est le système belge. Il n'y a pas d'appel après des assises. Il est acquitté malgré l'existence d'éléments troublants dans le dossier. Voilà pourquoi nous commentons la perception que vous avez de ces mots hier à la sortie du tribunal. Dans un instant, nous serons à Fléron. Marie a-t-elle été touchée par les larmes d'un homme qui a failli passer 30 ans en prison pour des faits qu'il n'avait donc pas commis? C'est Sylvie Honoré. Les 8 et 9 octobre, Vivacité participera au défi des 100 km, une marche organisée au profit de Cap 48. Nous marcherons plus précisément pour l'association Les Héliotropes pour que, grâce à vos dons, elle puisse poursuivre son travail d'accompagnement tellement essentiel. On a besoin de vous. Rejoignez-nous sur agir.cap48.be pour nous parrainer ou parrainer nos mollets. Vivacité présente le European Open. Le meilleur du tennis mondial, enfin en Belgique, du 15 au 23 octobre, au Lotto Arena d'Anvers. Richard Gasquet, David Ferrer et bien sûr, le Belge David Goffin. Les meilleurs joueurs seront au rendez-vous. Et vous, infos et tickets sur europeanopen.be. en concert. De 18h à 20h, retrouvez tous vos artistes préférés en live. Vivacité en concert avec Bruno Tumers. Demain, j'arrête de fumer. Et puis aussi de manger n'importe quoi. J'ai rencontré de graves difficultés. Maintenant, je dois me reconstruire. Pour trouver la solution à vos problèmes, faites appel à l'hypnose thérapeutique. Et pour trouver le praticien qui vous convient, hypnosia.be. Dis Monique, oui. Tu crois pas qu'on a juste un problème de sonnette? Mais non, mon lapin, non, je ne pense pas. Enfin, ça fait 2 semaines qu'on attend, Monique, 2 semaines. Oui. Y'a quelqu'un? Personne n'a envie d'acheter notre maison? Un peu de sérieux. Pour vendre ou louer efficacement votre bien par vous-même ou via un professionnel, ImmoWeb est la solution. ImmoWeb, le site immobilier préféré des Belges. Moi, sur mon pot de Nutella, j'écrirais « Je t'adore ». Des canons ou quelle biche? Coucou pour tous mes petits loups. Beau gosse pour mon copain. Je mettrais un bisou parce que j'adore les bisous. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Rendez-vous vite en magasin pour découvrir tous nos messages. Vous entendez? La fête continue pour les 25 ans d'Intermarché. Encore 4 semaines de produits gratuits et de super promos. Comme le fromage à raclette, le pays fromager, le jambon de Savoie, le galibier à moins 50%. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Au 070-233-466, eh bien, voyons l'état de l'opinion publique ce matin. Marion, touchée ou pas par Bernard Westphal, quelle est la tendance? Eh bien, la première tendance en standard, c'est clairement l'émotion qui prime. Hein. Des larmes ont coulé hier, Benjamin. Louise de Skervec me l'a dit, elle a pleuré de joie avec Bernard Westphal devant sa télévision à l'annonce du verdict. Nadine de Dinan, elle a versé quelques larmes, mais c'est quand elle a vu Bernard Westphal serrer sa fille très fort dans ses bras. Assouad aussi, à Jean Blou, avait pleuré il y a quelques instants. Elle nous l'a raconté. Alors, intéressons-nous, Marion, 2 secondes à l'autre camp, celui qui n'a pas été touché, qu'est-ce qui a gêné alors dans l'attitude de Bernard Westphal? Oui, il y a plein de personnes qui n'ont pas pleuré, qui ont même fulminé dans leur canapé. Hein. Il y a Léon de Néchin, il trouve que Bernard Westphal était trop comédien hier, ses habitudes de politicien sont ressorties et ça a dérangé Léon. Nina de Houpey, elle n'a pas aimé le fait qu'il adresse un message à Victor par les médias. Nina a trouvé que c'était complètement déplacé. Et puis Manon de Fleurus, elle avait l'impression que Bernard Westphal récitait un texte qu'il avait écrit, qu'il connaissait par cœur. Il a lui-même reconnu qu'il avait préparé quelques mots pour si jamais la décision avait été inverse, qu'il avait été reconnu coupable, eh bien, pour Manon, c'est bien la preuve que c'était du préparé et que c'était pas du tout naturel. C'est vous qui le dites, s'arrête à Fléron. Marie, bonjour. Bonjour. Et donc, bonjour, monsieur Benjamin. Bernard Westphal, dans les bras de sa fille notamment, je vais essayer de me reconstruire, mais ça va être difficile. Est-ce que la parole d'un homme qui vient d'échapper à la prison vous a touché hier? Non, pas du tout. Non ? Aucun des moments d'hier, ni cette scène dans le fond de retrouvailles avec sa fille qu'il pourra continuer à voir, et sans ces mots, je vais pouvoir voir ma fille, mon fils, mes enfants, tout le monde. Non, je peux parler clairement ? Oui. Monsieur Benjamin, voilà mon opinion très, très profonde. J'ai encore plus de... je vais dire de rage vis-à-vis de la justice belge et de la médiatisation. Ça a été trop médiatisé. La caricature de M. Westphal de hier et tous les jours d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir un très bon dessinateur pour dessiner cette caricature. Quelle caricature? C'était un homme sans filtre, il parlait librement hier aux caméras, il disait ce qu'il voulait comme il voulait. Où est la caricature? C'est lui qui s'est montré comme ça. Oui, parce que c'est typiquement la caricature d'une personne politique, malheureusement. Ça se voyait à l'œil nu depuis 3 ans. Et un gouvernement où une justice ne garde pas une personne députée avec un très peu conscience intellectuelle, je voudrais le souligner. Ah, il y a des versions divergentes sur la fiabilité. Il n'y a pas une cause à la base. Marie, il y a peut-être une cause, des présomptions, des accusations, mais un tribunal dit acquitté hier. Et ce qui nous intéresse ce matin... Je trouve ça très dommage, parce que ça ouvre la porte à des tas d'autres problèmes de justice. Il tend des mains, d'abord à Victor, c'est vers lui que je vais, puis sa fille dit je tends des mains vers les parties civiles auxquelles il faut penser. Voilà, personne n'a dit youpi, tralala. la fille ne pense pas à son père en direct, mais pense d'abord à la famille. Ça, c'est la preuve formelle que la fille elle-même, malgré qu'une fille a des sentiments vis-à-vis de son papa. Allô ? Je vous écoute. Ah, c'est déjà une première preuve. Deuxième chose, quand on sort ses larmes, c'est uniquement « je viens d'éviter 30 ans de prison ». Tout le monde serait ému. Vous savez, Marie, que d'autres ont une autre perception que vous. Hein. Françoise, tout à l'heure, à Fléron, a dit que ce moment, cette main tendue vers Victor et la main tendue de la fille vers les parties civiles, c'était un geste magnifique. Magnifique. Je l'ai noté même deux fois sur mon document. Ce n'est pas votre perception. Chacun sa perception dans ce dossier. Hasard, vous étiez toutes les deux à Fléron. Nous sommes à Andenne maintenant. Nadia, bonjour. Bonjour, Benjamin. Un homme en pleurs hier. On a vu un homme en pleurs hier. Oui, oui. Oui, mais c'est normal. Je suis de l'avis de la dame précédente. Cette dame dit aussi que c'est un peu de comédie. Il est content de ne pas avoir devoir faire de la prison. Mais c'était vous pas de la sincérité ? Vous n'avez pas vu des moments de sincérité hier dans ces mots ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'était de la comédie. Est-ce que c'est de la comédie quand il dit « Et ce parquet de Bruges qui a tout fait, dit-il en élevant la voix, pour faire croire à l'opinion publique que j'étais un salaud. » Vous avez vu de la comédie là-dedans ? Oui, oui, oui, oui. Mais il faut qu'il s'attaque à quelqu'un, bien sûr. Hein, il ne va pas rester seul dans son coin, non, non, non, non. Mais maintenant qu'il est sauvé, parce qu'on peut dire qu'il est sauvé, mais moi, je n'aurais pas la conscience tranquille. Parce qu'on ne sait toujours rien. Ah, mais il vous l'a dit, il vous l'a dit. Je vais essayer de me reconstruire, mais ça va être difficile. Oui, bien sûr. Ah, mais bien sûr. Il a dit que ça allait être difficile. Non, ça ne sera pas difficile. Ah, il l'a dit. Non. Ah, il l'a dit. Il le dit. Mais il ne faut pas le croire. Pour moi, c'est un manipulateur, tout simplement. Nadia, vous avez deux secondes devant vous ou pas ? Oui, oui. Je vous rediffuse l'intégralité de l'extrait. Donc c'est sa réaction devant l'ensemble des journalistes. On est devant des micros, des caméras. Oui, hier soir. Nadia, vous écoutez ça et vous me dites après le moment où vous percevez un peu de sincérité. On réécoute ça ensemble. Quel gâchis, vraiment. Ce parquet de Bruges qui a tout fait pour essayer de convaincre l'opinion publique que j'étais un salaud, un assassin ou un homme capable de poser ce genre de geste. Aujourd'hui, on voit bien que c'est pas vrai. Je vais d'abord envoyer un message à Victor. Lui, plein. Vous allez lui dire quoi ? Que je suis proche de lui, que je l'aime plus que jamais. Je le considérais comme mon enfant, véritablement. Et si un jour, il peut admettre que je ne suis pas définitivement l'auteur de cet acte, et je crois qu'aujourd'hui ça a été prouvé, qu'est-ce que ça me ferait plaisir de le retrouver, de le serrer dans mes bras, de lui dire tellement mon amour à Victor. Je vous retrouve, Andenne. Nadia, vous avez vu de la sincérité à quel moment dans cette déclaration ? Il n'y a pas de sincérité. Il n'y en a pas. Même sur la fin ? Il est content d'être libre, tout simplement. Alors il raconte n'importe quoi, bien sûr. Hein. Son fils, qui n'est pas son fils d'ailleurs, Il ne se l'approprie pas, hein. Il dit « je suis proche de lui et je l'aime plus que jamais ». Oui, bien sûr. Il ne dit pas « c'est mon fils ». Mais ce n'est déjà pas son fils. Ah, mais il ne dit pas « c'est mon fils », il dit « je suis proche de lui ». On peut avoir de l'amour pour un enfant. Je ne sais pas, mais moi, je ne crois pas à cette histoire. Non, pour moi, c'est... Et quand il dit « qu'est-ce que ça me ferait plaisir de le retrouver ?» Oui, peut-être. Mais lui, le fils, est-il de cet avis ? Ah, c'est le point d'interrogation de ce matin, puisqu'il y a eu un dialogue à distance. À Andenne, Nadia, vous n'avez vu aucune sincérité. 10h31, l'heure de la proportion maintenant. Marion, dans les appelants de ce matin, combien estime que Bernard Westphal aurait dû garder le silence hier après l'annonce du verdict ? 30% estime que Bernard Westphal aurait dû garder le silence après l'annonce du verdict. Ça aurait été une preuve de respect envers la famille de Véronique Piroton, qui doit en ce moment digérer cette nouvelle qui est très dure pour eux. Alors même si Bernard Westphal est heureux, il ne devrait pas trop l'afficher et devrait exprimer cette émotion uniquement en privé. C'est le RTBF Mobile Info, Adrien.

pas de réponse donc. Alors, dans ce dossier, parce qu'il faudra un interlocuteur, j'espère, à qui parlerons-nous ? Eh bien, nous parlerons avec Marco Vanes, député fédéral PTB. Raoul Edebo, lui, n'était pas disponible puisqu'il est à Wavre pour les actions qui sont menées dans la commune de notre Premier ministre Charles Michel. Et pourquoi on parlera avec Marco Edebo ? Eh bien, puisque c'est le PTB qui a soulevé cette question en commission parlementaire. Leur objectif est de rendre ces déclarations de patrimoine publiques. Entre-temps, j'avais aussi contacté Jean Fagnel, le président du CRISP, le Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique. L'intérêt de la déclaration de patrimoine, eh bien, c'est de vérifier, en cas d'enquête, qu'il n'y a pas eu enrichissement personnel suspicieux. Quant à la déclaration de mandat, eh bien, là, l'objectif, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, puisqu'on sait que certains cumuls ne sont pas autorisés. Vous avez dans ce dossier un éclairage. Laissez-le à Marion au standard. Et le problème pour Xavier Delutre, c'est qu'en rendant public le patrimoine des élus, ça va attirer les jalousies et les convoitises. On va faire d'eux des proies faciles et les mettre, eux et leurs familles, en danger. Xavier, lui, en tout cas, n'aimerait pas que ce genre d'informations privées et personnelles deviennent publiques. 29 élus politiques sanctionnés parce qu'ils n'ont pas dévoilé leur patrimoine et la liste de leur mandat. Qui sont-ils ? Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur les larmes et les premiers mots hier de Bernard Westphal. Acquitté donc, avez-vous été touché par Bernard Westphal quand il répète trois fois le mot gâchis, quand il dénonce le parquet de Bruges ou quand il veut serrer le fils de Véronique Pirotton dans ses bras ? 070-233-466 par SMS au 3063. Allons à Liège. Simona en ligne, bonjour. Bonjour. Il était touchant hier ? Absolument pas. Il a pleuré hier ? Oui, bien entendu, mais ce n'est pas parce que quelqu'un pleure qu'il faut être ému ou il faut donc avoir la compassion. Attendez, parenthèse, pourquoi cet homme pleure hier alors ? Parce qu'il était heureux d'avoir été acquitté. Il parle d'un gâchis. Vous voyez un gâchis ? Pour lui, oui. Mais pour les autres, non. Ah non, tous les autres m'ont dit que le gâchis, il était collectif. Il est pour les parties civiles, il est pour lui, il est dans le fond pour la société, pour les assises, pour la justice, pour. C'est un gâchis qui nous touche tous. Oui, oui, d'accord, mais c'est vrai, donc... Là, vous êtes d'accord avec lui. La suite, oui, je suis d'accord. Ça va être difficile de se reconstruire. Vous êtes d'accord avec lui ? Peut-être. Ça, c'est un peut-être. Oui. Mais s'il ne vous a pas touché hier, qu'est-ce qu'il a déclenché en vous ? Ce qu'il a déclenché en moi, c'est que donc, les indices étaient trop clairs, parce que c'était un meurtre, pour que ça soit. Donc, parce que c'était un meurtre. Simona, permettez-moi la nuance, mais sur le fond, c'est impossible. Vous n'avez pas le dossier, je ne l'ai pas non plus. Et la justice a dit acquitté. On ne peut pas refaire, il n'y a pas d'appel aux assises. Il n'y a pas d'appel. Oui, je comprends, mais c'est ce que moi, à l'intérieur, ce sont mes sentiments qui me disent qu'il y a quand même eu meurtre. Comprenez-moi, je ne suis pas contre l'expression d'un sentiment, mais je vous dis ce qu'est le droit belge. Il n'y a pas d'assises après les appels. Simona, il n'a pas déclenché en vous d'émotion. 10h40, on appelle les experts. Un journaliste qui a suivi l'ensemble du procès de Bernard Westphal et que nous connaissons bien dans C'est vous qui le dites, journaliste politique à l'avenir. Martial Dumont, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous avez donc suivi l'ensemble de cette cour d'assises. Et on comprend bien ce matin que le public a de vrais doutes sur la véritable émotion de Bernard Westphal, sa capacité à être sincère. Après l'avoir vu pendant trois semaines et en l'ayant vu hier soir, vous avez vu de la sincérité ou il y a encore une part de maîtrise médiatique, de maîtrise tout court ? Alors, il y a pas 36 possibilités, il y en a deux. Soit Bernard Westphal est vraiment sincère, et honnêtement, pour l'avoir vu pendant trois semaines, vu comment il avait pris la parole hier avant la délibération, et vu comment il était après le verdict, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a de très forts accents de sincérité. Je l'ai trouvé... Je veux dire, presque bouleversant dans sa prise de parole. Ça, c'est la première possibilité, c'est qu'il est réellement sincère, il est réellement convaincu qu'il n'a rien fait, il clame son innocence. Ou alors, si ce n'est pas le cas, c'est que c'est, à mon avis, le plus grand manipulateur que j'ai jamais connu. Parce que pour avoir des accents de sincérité comme il l'avait et la manière dont il a pris la parole, c'est juste pas possible, si ce n'est d'être un énorme manipulateur, mais j'ai la faiblesse de croire que ce n'est pas le cas. Expliquez-nous ce qui s'est vraiment passé sur le terrain, parce qu'on a beaucoup vu les interviews de la famille Pirotton, la sœur, le cousin, et hier, quand Bernard Westphal sort, il a une main tendue vers Victor, la fille de Bernard Westphal parle, elle a une main tendue vers les parties civiles. Est-ce que pendant le procès, les regards se sont croisés ou on avait vraiment affaire, en dehors des audiences, à deux blocs, Westphal d'un côté, les Pirotton de l'autre? Les regards se sont très très peu croisés entre Bernard Westphal et la famille Pirotton. Hier, par contre, quand il a pris la parole juste avant le délibéré, il s'est tourné vers la famille Pirotton en leur disant « Mais voilà, vous m'avez accablé de manière terrible, mais je ne vous en veux pas parce que je sais que vous souffrez et je sais que vous continuerez à souffrir. » Et donc, il disait quelque part « Si j'avais été à votre place, probablement que j'aurais fait la même chose. » Et donc, il n'en veut pas. La femme Pirotton, je crois qu'il comprend très bien la souffrance de cette famille. Mais en tout cas, pendant les trois semaines, effectivement, on a eu quand même le sentiment qu'il y avait deux blocs. Et donc, c'est ça que hier, à la fin du procès, il y a eu une espèce de rapprochement de la part de Westphal qui dit « Ben voilà, maintenant, tout ça est terminé, mais je vous tends la main et tout ce que je veux, c'est qu'on puisse à un moment donné apaiser tout ça et essayer de se reconstruire. » Votre avis, Martial, il y a une tonalité dans la presse ce matin, c'est la victoire, cet acquittement, c'est la victoire non pas des faits, non pas la victoire de la sincérité de Bernard Westphal, mais simplement la victoire de Maître Mayence, qui est l'avocat de la défense. Je voudrais rapidement votre avis là-dessus. Qui a emporté cet acquittement, Bernard Westphal et ses mots, les faits ou Mayence? Alors moi je pense que Jean-Philippe Mayence a fait une plaidoirie et a mené un exercice intellectuel impressionnant. Il a quand même plaidé 5 heures, il a été recherché toutes les pièces du puzzle, etc. Et donc évidemment ça a pesé. Je pense que le fait que ce soit Jean-Philippe Mayence qui ait plaidé a sûrement pesé dans la balance parce qu'il était réellement brillant. Maintenant, il y a les faits aussi, les jurés l'ont bien compris. Il y a effectivement des faits troublants, des indices troublants, mais il n'y avait pas assez dans les faits pour pouvoir condamner Bernard Westphal. Il y avait trop de trous dans l'enquête, trop de flou, trop de brouillard. Les vérifications n'avaient pas été assez faites par les enquêteurs. L'instruction était un peu bancale. Et donc, à partir de ce moment-là, Mayence ou pas Mayence, Westphal ou pas Westphal, les jurés n'ont d'autre choix que d'acquitter au bénéfice du doute raisonnable. C'est ce qui s'est passé. Par contre, c'est le fameux doute, mais vous avez entendu hier Maître Mayence dire qu'il n'y avait pas de demi-acquittement. Un acquittement, c'est un acquittement. Voilà pourquoi il n'y a pas de porte ouverte aujourd'hui à revoir l'acquittement, parce qu'un acquittement, c'est un acquittement. Merci Martial. Martial Dumont, vous êtes journaliste politique à l'Avenir. On va au 070-233-466 avec un commentaire, de nombreux commentaires, sur les mots adressés par Bernard Westphal à Victor, le fils de Véronique Pirotton. Oui, et les avis sont assez partagés sur les mots que Bernard Westphal a adressés au petit Victor. Rémi de Serrefontaine trouve que c'était complètement déplacé. L'enfant va déjà avoir assez de mal à se remettre de la perte de sa maman et de ce long procès qui a duré quand même 3 ans. Alors si Bernard Westphal voulait s'adresser à lui, il aurait pu le faire en privé et pas dans la presse, me dit Rémi. Didier de Ognoul, lui, il est choqué par la proposition de Bernard Westphal de lui donner de l'argent à Victor s'il a besoin de quelque chose. Didier ne pense pas que c'est ce qu'on doit dire à un enfant qui a perdu sa maman et qui vient en plus de perdre un procès. Thérèse de Huy, elle a été touchée par contre par les mots que Bernard Westphal a dit pour le petit Victor. Cet enfant a vécu avec Bernard Westphal, il le connaissait, donc il avait sûrement besoin d'entendre des mots réconfortants venant de sa part. Scarbec, Marie-Chantal, bonjour. Bonjour Benjamin. Bernard Westphal, il a bien fait d'envoyer des mots à Victor ou c'était déplacé? Non, c'est pas déplacé du tout. C'est de l'amour? Non, c'est pas déplacé parce que c'est un homme bien. C'est quelqu'un qui a fait partie de cet enfant. Donc, c'est quelqu'un qui tient toujours à cet enfant. Et c'est tout à fait normal qu'il prononce ses mots. Les jugements des uns et des autres sur ses propos, il n'y a rien qui a été épargné durant ce spectacle. Vous souhaitez lui dire un mot apaisant? Si vous êtes d'accord avec les mots et son attitude hier, vous avez un mot apaisant pour lui? Pour le faire? Oui. Oh mon Dieu, Je lui souhaite qu'il se rétablisse, qu'il se reconstruise. Et on a pleuré de joie hier. J'avais promis à mes enfants que si Esfar est acquitté, je m'achèterai une champagne. C'est la première fois depuis 20 ans que je suis en Belgique que j'appelle une chaîne de télévision ou de radio. Mais je me suis dit que ça vaut la peine d'appeler pour ce qu'il a fait, le président du tribunal. Et donc, vous avez acheté le champagne hier, alors. Champagne pour l'acquittement de Bernard Westphal. Vous êtes à Schaerbeek ce matin, Marie-Chantal. Merci d'avoir parlé pour la première fois chez nous. On marque une pause et dans un instant, 29 élus qui déclarent pas leur patrimoine alors que la loi le veut. C'est 6, 7 et 8 octobre. Tu sais où je suis ? Oui, au Westland Shopping. Oui ! Et pourquoi ? Pour la braderie d'automne, évidemment. Dis, tu lis dans mes pensées ou quoi ? Non, mais j'ai Facebook. Et je peux même te préciser qu'il y a plein de bonnes affaires à faire pour renouveler, par exemple, ta garde-robe. Continue. Et pour les enfants ? Atelier cirque, grimeuse, jazz band, artiste de rue. Dis donc ! Tu serais pas en train de me dire que tu m'invites les 6, 7 et 8 octobre au Westland Shopping ? Ben mieux, je t'y emmène. Allez, viens. Info, westlandshopping.be. Ring West sortie 14. Parking facile. Chérie, combien de temps avant 22h ? 8 secondes, t'es prête ? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti ! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat ? Je sais plus. Arrête-moi ça ! Arrête-moi ça ! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be, notre énergie, une source de plaisir. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival des extras. Avec énormément de réductions extras sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 18 octobre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Avez-vous déjà songé à investir dans une start-up ? Peut-être pensez-vous que c'est un privilège réservé aux business angels. Alors, vous ne connaissez pas My Micro Invest, la plateforme qui vous permet de financer des start-up belges visionnaires à partir de 100 euros seulement. Vous voulez investir vraiment malin ? Surfez sur mymicroinvest.com et dites oui aux entreprises de demain. Vivacité et Ouf TV présentent le 23e Salon Éducation. Plus de 230 exposants et 200 ateliers et conférences pour découvrir les nouveaux outils pédagogiques, les conseils et l'équipement indispensable pour tous les acteurs de l'éducation. Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre à Charleroi Expo. Préparez votre visite sur salonéduc.be. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Les 29 élus qui remettent pas leur patrimoine et leur mandat comme le veut la loi. On interpelle le PTB dans une seconde. Dernier éclairage au standard, Marion. Et le problème pour Louis de Han-sur-Lay, c'est que si les députés ne déclarent pas leur patrimoine, alors on n'aura aucun moyen de contrôler, de vérifier qu'ils ne profitent pas de leur mandat pour détourner de l'argent public. Pour cette raison, Louis est d'accord pour que le patrimoine des élus soit rendu public. Un député fédéral PTB en ligne, Marco Vanez, bonjour. Bonjour. Et donc, entre 2010 et 2014, la justice examine 91 dossiers d'élus qui n'ont pas remis. Et dans le fond, il y a 60 dossiers qui sont classés sans suite. Est-ce que le premier message, c'est le suivant ? Ne pas dévoiler patrimoine et compte, c'est pas forcément cacher une malhonnêteté. Tout à fait, mais je précise d'abord sur les chiffres que c'est 1300 mandataires qui n'ont pas remis leur dossier. Mais sur le fond, effectivement, il peut y avoir de la négligence, mais je dirais d'abord qu'un homme ou une femme politique doit donner l'exemple. Deuxièmement, je pense qu'il y a des différences entre un conseiller communal, par exemple, d'une petite commune qui serait négligent, et un ministre qui oublierait, ou entre guillemets, de mentionner certains mandats. Il y a évidemment une grande différence. Donc vous admettez, vous avez une tolérance, vous avez une forme de tolérance pour ceux qui oublient. Non, je pense qu'il y a une tolérance zéro, mais que la gravité est différente selon l'importance de la fonction politique qu'on peut avoir. Est-ce que vous avez analysé la liste des 29 élus sanctionnés, donc ceux qui ont dû payer entre 600 et 6000 euros ? Dans ces 29 élus, on trouve qui ? Je n'ai pas analysé la liste, mais ce que nous avons fait, par contre, c'est introduire une proposition de loi pour qu'on change les règles aussi. Parce que le problème, c'est que le patrimoine, et l'auditeur le disait tout à l'heure, il faut pouvoir contrôler le patrimoine des hommes politiques, et pour l'instant, c'est pas le cas, parce qu'en fait, le patrimoine, la déclaration de patrimoine, elle est mise dans une enveloppe scellée. Cette enveloppe scellée, elle est donnée à la Cour des comptes. Oui, mais s'il y a un doute, la justice peut agir, donc c'est pas une enveloppe qui est scellée à tout jamais. S'il y a un doute, on peut l'ouvrir, l'enveloppe. C'est ça, on peut l'ouvrir éventuellement un jour, mais ça n'arrive jamais. Nous, on a introduit une proposition de loi pour que toutes ces données soient publiques, parce qu'un homme ou une femme politique, c'est un mandataire public, il a des comptes à rendre à la population, et donc on estime que chacun doit pouvoir voir ce qu'il a comme mandat, effectivement, s'il n'y a pas un enrichissement suspect qui apparaît à un moment donné ou un autre. Quelle est la frontière entre transparence et exhibitionnisme? Vous savez, dans la population, quelle est parfois la lecture qu'on a des ministres ou des élus et de leur patrimoine? Quelle est la différence entre transparence et j'exhibe et on sait bien que ça va faire jaser? Si ça fait jaser, parfois il y a des raisons justes pour lesquelles ça fait jaser. Moi je vois qu'en France, après l'affaire Cahuzac, ils ont décidé de rendre public les mandats des ministres, par exemple. Je trouve que c'est une chose normale et on voit par exemple que les ministres, il y en a beaucoup qui sont au-dessus du seuil d'imposition à l'impôt sur les grandes fortunes. Ça veut dire que dans les ministres, il y a beaucoup de grandes fortunes. Et ça peut poser la question, primo, d'où vient l'enrichissement de ces ministres? Est-ce que le salaire d'un ministre, d'un député est normal? Ça, c'est une première question. Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas des enrichissements qui sont anormaux, pas forcément des pots de vin, même si ça peut arriver, mais aussi, par exemple, le fait d'avoir des mandats privés, je trouve ça assez inquiétant. Voilà, quand je vois est-ce que c'est fiable? Est-ce que l'outil est fiable? Je peux mettre mes maisons au nom de ma femme. Est-ce que dévoiler son patrimoine est donc fiable? Je pense que là, alors, si on commence à tricher ou à manipuler un peu les données, là, il y a un problème de d'honnêteté de celui qui le fait. Mais ici, il n'y a aucun contrôle possible. Je le dis, c'est une enveloppe scellée qui n'est pratiquement jamais ouverte. Je ne connais même pas de cas où ça a été ouvert récemment. Et donc, il se trouve à la Cour des comptes. Et ça, qui vous suit? Quel parti vous suit à ce stade dans cette volonté de dévoiler publiquement le patrimoine? Qui vous suit rapidement? Il n'y a pas un parti qui nous suit, mais il y a dans les partis, il y a différents représentants des partis qui nous suivent. Donc on va dire, à part le PTB, les partis sont divisés sur la question. Donc vous êtes seul, en tout cas à la manœuvre, et seul dans cette volonté de transparence totale. En attendant donc, 29 élus politiques sanctionnés parce qu'ils n'ont pas dévoilé leur patrimoine. Qui sont-ils? La liste est accessible, il faut juste un peu chercher. Merci Marco Vanès, vous êtes député fédéral PTB. On va dans un instant vers les enseignements de ce vendredi. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Citroën Dragon Boss, Citroën Evair et Citroën Isère. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Citroën. Pour vos pneus et kit hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Citroën. Voir conditions en magasin. Je vois dans ta vie du succès, de l'argent ou une maison avec piscine. Mouais, je crois que je vais plutôt confier mon avenir à l'EFP. Tu plonges dans la vraie vie tout en apprenant un vrai métier. Inscription dans plus de 70 formations jusqu'à fin octobre. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. EFP, formateur de talent. EFP-BXL.be. Dans mon magasin de Roycebrook, vous trouverez un choix énorme de tapis pleins. Vinyle, carpette, rideau, laminé, voilage, store et peinture. Et toujours la pose gratuite de vos tapis et vinyles à partir de 9,99€ le mètre carré. Par condition en magasin. Et pour toi, qui a le meilleur prix? Le meilleur prix? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Oui, monsieur, SFR vous fait une offre mobile à 25€ par mois à vie. Mais non. Appelez-vous dans le futur et vérifiez. Allô? Michel, c'est moi. Enfin, c'est toi, mais du passé. C'est quoi ces histoires? Je paye pas mon forfait 25€ par mois pour qu'on me fasse des blagues débiles. Ok, je le prends. L'offre mobile de SFR, c'est du bonheur pour toute la vie. Appel et SMS illimité plus 6Go de data pour seulement 20€ par mois pendant 6 mois, puis 25€ par mois à vie. Plus d'infos au 02 226 55 55. Offre soumise à condition. SFR et tout s'accélère. Cette semaine avec Femmes d'aujourd'hui, le magazine Délices et ses recettes pour revisiter notre terroir. La cuisine belge comme on l'aime, avec Femmes d'aujourd'hui, tellement nous. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. c'est vous qui le dites. Et nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief question qui dérange sur Facebook. Ces élus qui ne dévoilent pas le patrimoine. Zoé Boss. Oui, sur la page Facebook, où vous êtes 42 132 à faire le débat ce matin, dont Dom Pedro. La sanction est trop légère, selon lui. Un élu doit montrer l'exemple. Alors oui, il doit payer l'amende, mais il doit aussi être suspendu de tout mandat pendant 10 ans. C'est la sanction que Dom Pedro aimerait voir appliquée. Vous avez choisi une conversation sur les larmes et les mots hier de Bernard Westphal. Avez-vous été touché? Dans les enseignements de ce matin, on retiendra l'émotion jusqu'au champagne, Marie Chantal, hier à Scarbec, ou encore l'émotion jusqu'aux larmes, Souad, en pleurs, hier soir devant sa télévision. Votre regard sur l'attitude de Bernard Westphal hier, terriblement conditionné par la conviction de culpabilité ou pas, qui est la vôtre. Et puis sur la reconstruction, là, il y avait consensus, puisque vous avez largement estimé que la reconstruction de Bernard Westphal sera compliquée, qu'il soit ou pas réellement innocent. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Marion. C'était Bérénice de Pousset. Alors, Bérénice n'a pas été touchée par Bernard Westphal, mais le jury populaire a démontré que l'enquête à Bruges a été bâclée et qu'ils se sont acharnés sur un député francophone. Bérénice est d'accord avec un point avec Bernard Westphal. Le parquet de Bruges s'est bien acharné sur lui. Bérénice se pose cette question. Doit-on y voir un problème communautaire? À 9h, il y avait 3 débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur un ancien député wallon acquitté parmi les moments de ce matin. Ce matin, il y a eu Françoise de Fléron à 10h16. Françoise a été très émue hier. Elle considère que Bernard Westphal a vécu un double calvaire. C'est un homme qui m'a énormément touchée. Pour moi, cet homme a vécu un calvaire en plus du drame qu'il a vécu. L'instruction a été faite à charge, mais pas à décharge. Et vous, les médias, vous avez fait pareil en relatant les histoires à charge, mais jamais avec une décharge. Je crois que ça a été, voilà, une horreur dans les deux familles. Il est coupable, il n'est pas coupable. On ne sait pas la vérité, mais j'ai pleuré pour cette personne, même pas qu'il est coupable. Il a gâché 3 ans de sa vie. D'accord, il est acquitté, il y a présomption d'innocence. À mes yeux, il est coupable. Et le gros problème, je fais partie du corps paramédical, le gros problème, et tout vient de là, cette présomption d'innocence revient uniquement sur le fait que les médecins légistes ne sont pas d'accord. Et là, je ne peux pas comprendre comment des médecins qui ont fait les mêmes études devant, je m'excuse, l'autopsie du même cadavre peut avoir des divergences comme ça. Il est content d'être libre, tout simplement. Maintenant qu'il est sauvé, il faut qu'il s'attaque à quelqu'un, bien sûr, hein. Il ne va pas rester seul dans son coin, non. Pour moi, c'est un manipulateur, tout simplement. Ce n'est pas parce que quelqu'un pleure qu'il faut être ému ou il faut donc avoir la compassion. Il était heureux d'avoir été acquitté. Les indices étaient trop clairs. C'est ce que moi, à l'intérieur, ce sont mes sentiments qui me disent qu'il y a quand même eu meurtre. C'est un homme bien. Je lui souhaite qu'il se rétablisse, qu'il se reconstruise. Et on a pleuré de joie hier. C'est la première fois depuis 20 ans que je suis en Belgique que j'achète une champagne. Votre perception des choses continue sur la page Facebook, c'est vous qui le dites, avec le maximum de courtoisie et dans le respect des limites légales. Simple petit rappel avant de vous lancer à l'assaut donc de la page Facebook, c'est vous qui le dites. Dès lundi, 2 heures de dialogue, profitez bien de ce week-end, ayez un œil sur l'actualité. On se retrouve donc lundi pour commenter tout ce qui fait la Belgique, n'en déplaise à certains. Bon week-end.